Merci, merci encore pour cette soirée. Une grosse semaine qui a bien démarré là sur Fun Radio. On est là tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h, 23h, Love in Fun. Et à partir de 23h, c'est Mickaël No Limit. On l'a déjà entendu ça, Mickaël. Mais grosse semaine quoi, vous bossez vendredi? Bah non, mais on bosse samedi, nous, tu le sais en plus. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc il y a que moi qui me fais enfumer en fait, c'est encore une fois quoi, comme d'habitude. Exactement. Ah d'accord, ok. Non, mais c'était pour savoir, mais comme ça au moins c'est noté. Ah bah samedi soir, l'événement, un start-up, pas raté. Hein. Exactement, on sera là avec Karima, pas de problème, avec des textes qu'on ne retiendra pas, ni elle ni moi, donc on va être bien. On est sans prompteur, hein. Attention, on est des vrais animateurs samedi. S'ils avaient cassé le petit cochon, on n'en aurait rien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, non, mais ça va bien se passer, pas de problème. Oui. Voilà, et donc justement, peut-être un double fun ce soir avant minuit. Ah, ça c'est. Et deux places pour Starfloor, j'inviterai le doc comme ça, il pourra venir. Eh ben, bien sûr. Oui. Voilà, s'il appelle bien sûr le 3228, hein, il connaît la règle. Bien sûr, tout à fait. Oui. Voilà, c'est quoi la règle, doc? J'en sais rien du tout. Quelle arnaque. Oh là là. Non mais dis-moi, si tu veux que je t'appelle dans l'émission, je t'appelle. Bah tu peux, mais dès que t'entends Crewella et Basto, tu peux, hein, 3228 et puis... Non mais si t'as envie de parler seulement. Ah oui, bah j'ai des problèmes avec ma voix, comme tu peux le remarquer depuis quelques semaines. Ah, je pensais que t'avais des problèmes avec... non, bon. Ah non, bah non, je t'utilise pas des masques pour l'instant, donc pas de problème. Si j'en ai un, personne le sait, donc ça me... c'est le principe. Mais bah, maintenant on le sait, tu l'utilises pas. Mais oui, bah pour l'instant, effectivement, c'est un peu au repos. Mais bon, je... Mickaël, il te reste pas un iPhone en rab? Je te donne le mien. Écoute, si tu veux, on peut s'arranger. Il me doit me rester un 3GS dans le coin. Waouh! Voilà, je te mets avec l'écran qui marche. Ça, c'est la différence avec le tien. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, oh, voilà, le soutien. Voilà. Bon, bah, bisous, à demain. Bah, oui, allez, à demain. Et puis, on est parti, là. C'est parti en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Bienvenue! À demain! Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, il fait chaud. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Non, parce que hier, pour ceux qui n'étaient pas là, de 20h à minuit, on a fait émission au Pôle Nord. Hein, donc, enfin, on était dans le même studio, mais le chauffage était en panne et la clim était en panne aussi, mais à fond de balle. Donc, il faisait bien froid. Là, maintenant, ils ont remis, mais t'as l'impression d'être aux Caraïbes maintenant. Ah, c'est qui fait tout humide, je transpire dans le studio, c'est parfait. Bon, donc, c'est Mickaël No Limit. Hein, soyez les bienvenus à la pharmacie de Fun Radio. Parce que rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Si jamais vous êtes malade, vous me demandez, il n'y a pas de problème. J'ai des aspirines, j'ai du Coludol pour la gorge, j'ai encore des trucs que je sais même pas ce que c'est comme nom. Enfin bon, bref, tout est là. Pas de problème pour ceux qui ont vu la photo. Bronchite, voilà, c'est ce que j'ai. Ah, bah, c'est bien. Pourquoi tu craches sur moi comme ça? Non, comme ça, pour voir si c'est contagieux ou pas. Ça, je serai fixé relativement rapidement, voilà. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous me demander, je suis devenu un vrai spécialiste. Donc moi c'est Mickaël, enfin ce qu'il en reste évidemment pour l'instant. On est sur Fun Radio du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Pour passer avec nous à l'antenne, eh ben, pensez déjà à faire votre vaccin contre la grippe. Hein. Oui, c'est non, mieux. Parce que j'étais voir le médecin tout à l'heure, il me dit, bah écoutez, vous avez une bronchite, je vous mets 3 jours. Bah, comment ça 3 jours? Bah oui, je vous mets, vous reprenez vendredi. Ah bah je dis non, faut que je bosse ce soir. Ah non, on pouvait pas sortir avec ça. Je fais bon bah d'accord, ok. Lui fou, lui, il m'a pris pour un fonctionnaire ou quoi. Fonctionnaire étant une expression, je n'ai rien contre les fonctionnaires, parce qu'après il y en a encore qui vont dire ouais t'es un enculé, t'as vu comment tu parles des fonctionnaires, on n'est pas tous pareils, enfin, etc. En même temps, nous avons un son d'un mec qui passait dans les teubés qui disait que c'était ce qu'il faisait. Hein. De quoi, rien foutre? Ouais. Ah oui, ah bah ça je confirme effectivement. Oui. Enfin bon voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'était une expression. Donc pour passer avec nous à l'antenne, donc n'hésitez pas 01 42 48 5000 le 02 851 4x0 pour venir ici comme Mickaël qui est avec nous de Toulouse. Comment ça va Mika? Mickaël? Équipe. Ah ça va bien Mika? Oui vous? Quel magnifique prénom tu as Mickaël, tellement oui. Rare, tellement aussi, beau, tellement original. Tu diras bravo à tes parents qui ont eu un goût magnifique. Voilà, ils ont eu beaucoup de goût. Oui, contrairement aux parents de Toff, apparemment. Oui, là, malheureusement, évidemment, ça, c'est... Oh, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, ils l'ont eu, c'est un accident. Hein. Il est arrivé comme ça, tout seul, sa mère était... C'était même pas rendu compte qu'elle était enceinte. C'est-à-dire qu'un matin, elle s'est réveillée, et hop! Il était là, le drame. Tête de con est arrivé. Et depuis, bon, forcément, ils ont dû improviser un prénom, ils ont pris Toff. Pas Christophe, Toff. Voilà, attention, il faut bien préciser, quand même. Bon, t'as passé une bonne journée, Mika? Oui, ça va. T'as fait quoi? Premier jour de la semaine. Ouais, c'est rien ça. Rien de spécial. Journée de cours, quoi. Journée de cours, bah très bien. Bah écoute, voilà, il faut que ça se passe à un moment ou à l'autre. Tiens, il y a un message de la friterie Alba qui dit bonsoir, faites-moi un message de bienvenue. Bienvenue à mes clients également. Ah oui, alors pas de problème. Vous êtes la main dégueulasse. Voilà, donc si vous allez à la friterie Alba. êtes même un dégueulasse. Voilà, vous êtes même un dégueulasse, effectivement. Logan aussi qui dit merci à la prof de néerlandais qui a reporté l'oral, donc j'ai bien fait d'écouter hier. Ah bah voilà, tu vois Logan, c'est bien. Et le prince qui dit enfin une belle soirée qui s'annonce, Mickaël Nolimit, et ce soir il fait chaud dans les studios, ça c'est vrai. Trop chaud là. Et Cheyenne qui dit coucou l'équipe, hâte d'entendre le chéri, je peux te faire cocu. Ah bah oui, c'est lundi aujourd'hui, le lundi c'est le chéri, je peux te faire cocu. Si ma voix tient le coup, bien entendu, mais ça devrait bien se passer. Bon, Sandro. Ouais. T'as déjà eu des mecs qui donnaient des noms à leur sexe, puisque je vois que dans le standard c'est ce que Mickaël voulait poser comme question. Bah c'est pas très original, c'est toujours l'anaconda qui revient souvent. Genre elle se tape des mecs avec que des gros. Ah bites. Non, moi je disais plutôt vers de terre. Hein. Ah oui d'accord, ok. Parce que c'est ça toi Mickaël, ta meuf t'appelle appelle ton sexe d'une manière bien précise ou c'est toi qui l'appelle comme ça? Non, c'est nous en fait, entre potes, on s'est créé un gros délire, mais on a trouvé bien plus original qu'Anaconda pour le coup. Ah, vas-y, fais-en péter un pour voir. Alors, moi, Lynn, parce que Lynn est branlable, bien sûr. Oh là là. Ah, bravo. J'ai un pote, donc Max, qui est en train d'écouter, c'est La Mort, parce que tout le monde y passe. Ouais. J'ai également un pote, donc coréen, on dit que sa bite, c'est le soleil, parce qu'il est gros et jaune. Ouais, d'accord, pas mal. Bon, mais c'est bien, parce qu'il y a de la recherche. Il y a un peu de recherche quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'imagination comme ça. Et toi, Tof, tu l'as donné un nom, toi, non? Bien sûr, je l'appelle La Poutre. Non, il l'appelle La Poutre. Oui. Mais après, on peut appeler ça n'importe comment, mais comment les meufs l'appellent? C'est la question. Hein. Bah écoute, je sais pas. Faut leur demander, Ou Porcinet, le petit et tout petit, avec la queue en forme de queue de cochon. Ouais, qu'elle nous appelle? Ah bah bien sûr, elles peuvent nous appeler sans problème, évidemment. Voilà. Ça doit leur faire des sensations. Ah bah complètement, oui. La queue en tire-bouchon. Mais soit tu sais pas comment les appeler, t'inquiète pas, j'ai des amis qui peuvent avoir. Hein. Tu fermes ta gueule. Voilà, des bonnes idées. Bah t'es enculé, gros connard. Tout à fait, pour t'appeler, pour te donner un petit nom. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà, ça peut être une bonne idée également. Tiens, et Polo, toi tu l'appelles comment, toi, le pipeau? Non, je lui donne pas de nom. Longueur de pipeau? Non, même pas. Mais est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle joue comme ça aussi? Bah bien sûr. Ah bien sûr. Il faut souffler dedans. Comme ça vous pouvez faire un duo quoi. Ah oui, bah voilà, tiens Tof, tu peux essayer de souffler dedans pour voir. Bien, avec plaisir. Voilà. Je suis content, espèce de chien. Bah très bien. Il y a Cédric aussi qui dit vous êtes mortel et on peut pas se passer de vous. Vous êtes notre bonheur. Merci Cédric. Et alors interdit les tweets de merde. C'est ce qu'il avait envoyé aussi. Et Megumi qui dit bonne nuit mes cochons et toute l'équipe et mon petit chou Mickaël. Merci Megumi, Aurélien, mort de rire, la tête de con, le pauvre Tof. Oh, t'inquiète pas, il est content. Et comme tous les soirs, on suivra l'évolution du top tweetos. Alors si vous voulez participer, rien de plus simple, vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, donc c'est le petit carré, le dièse, vous appelez ça comme vous voulez, pendant l'émission, et plus vous envoyez de messages, plus vous avez la chance d'être dans le top 5 et donc d'être à la fin de l'émission le grand gagnant de ce magnifique sextoy. Sextoy bien entendu qui est offert par la voix off passagedudésir.fr. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas, vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre aussi en mettant Mickaël underscore officiel, c'est le petit tiré en bas, l'underscore, donc vous ajoutez Mickaël underscore officiel sur le Twitter. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également avec plaisir. Bon, Mickaël, t'es déjà sur Twitter, toi, ou pas? Non, du tout. En fait, là, je suis dans mon lit. J'essaye de faire en sorte que mes parents ne m'entendent pas. Non, mais t'inquiète pas. Il faut pas crier. Tout ira bien. Hein. Et tu t'en fous. T'es un rebelle. En plus, ou pas, mais c'est ça, t'es un rebelle. Des noms que je donne à ma bite, en général, j'évite de crier. Ouais. Sauf quand t'es avec une meuf. Exactement. Ben oui, t'as raison. Et tes meufs, en général, t'es déjà sorti avec une meuf? Oui, ça m'est arrivé, mais c'était il y a 3 ans maintenant. Attends, mais t'as 15 ans, donc t'avais 12 ans, donc elle a pas vu l'engin. Ah non. Ah bah oui, voilà, donc pour l'instant, personne n'a vu. Comment tu l'as appelé encore? Lynn ébranlable. Ah oui, Lynn ébranlable, exactement, donc personne ne l'a vu encore. Non. C'est du matériel neuf. Oui. Très bien. Bon, dites-nous tiens, si vous avez aussi des petits noms comme ça que vous donnez à vos sexes ou même à vos seins, les filles, parce qu'il y a aussi des meufs hein, qui sont pas très finies, qui donnent des noms à leurs seins ou même des mecs qui donnent des noms aux seins des meufs. Improbable. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, si ça vous est déjà arrivé, venez nous en parler. Et puis, on va s'écouter du son aussi ce soir avec Jason Derulo, Dirty Talk. Et attention aussi ce soir, je vous cale Crewella. Alors je dis attention parce que si jamais il y a Crewella, ça c'est sûr, ça va arriver. Mais, si derrière il y a le son de Basto, alors évidemment, faudra nous appeler pour tenter de choper vos deux places pour venir au Starfloor. Concert, événement complet de cette fin d'année. et ça se passera ce samedi justement à Paris. Vous allez pouvoir venir. Donc si vous entendez Crewell à enchaîner avec Basto qu'on écoute là maintenant, Dance With Me, faudra appeler le 3228 par téléphone, donc hein, où que vous soyez en France. Et pour la Belgique, vous allez devoir envoyer Fun FUN au 6322 par SMS. Bonne chance tout le monde. En tout cas, si jamais ça passe, vous savez ce qu'il vous restera à faire. Il y a Thomas avec nous maintenant là. Bonsoir Thomas. Salut Mickaël. Comment salut, ça va? Ça va. Bon, on va jouer ensemble à la colle. Ouais. Alors la colle, je le rappelle, tu vas poser une colle. Si quelqu'un a la bonne réponse, il faut simplement jouer pour tenter de repartir avec le PC portable ou même avec l'écran 32 pouces que nous avons à vous offrir aussi, LED, Full HD, bref, la grande classe. Bon Thomas, alors, on t'écoute. Il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? Il a des dents. Ah, c'est tout. Il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? C'est bien ça? Oui. Bon, alors, il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, bah, vous répondez. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec le PC portable. Donc, en gros, à minuit 30, on appellera quelqu'un au hasard, Thomas. Si la réponse est bonne, il gagne, tu perds. S'il ne décroche pas ou qu'il n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Thomas. D'accord. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Donc vous pouvez aussi vous aller voir sur le Facebook de l'émission, car contrairement à d'autres radios, nous avons les vrais cadeaux. Hein. D'ailleurs, j'ai posé avec encore une fois. On a l'écran, on a le PC portable, tout est en stock dans le studio. Donc ouais. Allez voir facebook.com/MIKL officiel. Beau PC à vous offrir, la boîte est toute noire. Et puis la télé aussi. Donc voilà, Thomas, je répète, la colle, il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est... Vous envoyez M-I-K-L au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse. Thomas, on te récupère tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, Thomas. À tout à l'heure. Et je vous rappelle que, bien entendu, ce soir, on fera le Chéri, je peux te faire cocu. Ce soir, dans Chéri, je peux te faire cocu, j'ai soit un écran plat à vous offrir, soit un skateboard. Il en reste un encore. Je prends skateboard. Ouais, ouais. Moi aussi, pareil. Bah ouais, mais bon. Skateboard qui déjà. Alors, skateboard électrique, ouais. Bien entendu. Hein, c'est pas un bête skateboard. Skateboard électrique, vous pouvez voir la semaine dernière, on a fait des vidéos avec. On s'est bien marré avec le skateboard électrique. Donc, allez voir facebook.com/MIKL officiel. Il y a Fabienne aussi qui a envoyé un message pour Mickaël. Le surnom, c'est le Monster. Exactement, oui. The Monster. The Big Monster. Pour l'instant, il est plutôt discret. D'ailleurs, vous avez vu, même Rihanna a fait une chanson à mon effigie. Oui, c'est elle vrai. Elle a fait The Monster à mon effigie. Et je trouve vraiment à la remercier. Tu vois, elle a fait une chanson juste pour moi. Ouais, c'est Katy Perry qui lui en a parlé. Exactement, oui. Je vous rappelle que Katy Perry, il s'est passé une histoire. Enfin, bref, un truc. Et donc, du coup, quand elle a entendu ça, elle a fait: ah, mais attends, je vais écrire une chanson pour Mickaël. Voilà. Mais je crois qu'elle te drague un peu, non? Ouais, ouais, ouais. Et puis après, David Guetta lui a fait la même chose, mais pour Toff. Plutôt bitch alors, hein. Pas ouais. Sexy. Là, il a fait une erreur évidemment parce qu'il connaissait pas bien le mec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, on l'a mal informé. Bah oui, mais voilà, c'est ça. Quoi c'est qu'il aurait pu faire aussi No Good de Fédé Legrand. Enfin bon, bref, il y a plein de possibilités. Il y a Greg aussi qui dit la mienne s'appelle Devil Snake. Il y a Nico qui dit la bite de Toff, c'est une poutre. Ah, il faut enlever tes jumelles. Et Fabienne qui dit pour Mickaël le surnom de Monster. Et je l'ai déjà lu. Alexis qui dit moi je l'appelle Polo, la mienne. Oh putain, t'imagines là qui appelle leur bite par son prénom, c'est ouf. Ou quoi. Et alors il y a le russe, mais je ne sais pas comment il s'appelle parce qu'il est toujours écrit en russe. Oui. Donc, je ne sais pas lire. Moi le nom de mon sexe c'est le Baobab parce que je peux avoir un message. PS, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Le chemin dégueulasse. Exactement. Et Fabienne qui dit le surnom c'est de Monster. Il y a Julien qui dit Popol pour moi. Oh là là, quelle horreur, Popol. Tu imagines, tu l'appelles Popol, ta bite. Horrible. Quelle angoisse. Toffy doit lui avoir un petit surnom ridicule aussi, des fois comme ça. De merde. Oui, Zboubi. Zboubi. Oh là là. Bon, bah, venez nous en parler, venez nous dire tout le monde. On va reparler avec toi, Mickaël, dans quelques minutes. Tu restes avec nous? Ok, pas de problème. Bon, et puis les autres, appelez-nous, hein. Où que vous soyez, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Appelez-nous si vous avez déjà eu l'occasion de donner des surnoms à votre sexe ou même à vos seins. Voilà, où vous avez peut-être éventuellement appelé les seins de votre copine ou le sexe de votre copain d'une manière bien précise. Appelez-nous, n'hésitez pas. On est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jason Derulo, c'est maintenant. Je vous le passe. Dirty Talk sur Fun Radio. Il est 23h13. Bonne soirée avec Fun Radio. Et c'est Fun Radio, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Et la bonne nouvelle, contrairement aux autres radios là, ouais. C'est que bah là ce soir on va vous mettre un tout petit peu de pub. Alors je peux vous dire, on va vous mettre Oh bah 45 secondes de pub. Parfait. Aux alentours de 23h40 et puis on est tranquille jusqu'à la fin de l'émission. Plus de pub. Ah voilà. Ça c'est bon. Donc on s'arrête pas pour des pubs de cul, pour des pubs de merde qui servent à rien. On est là, on est tranquille avec le son d'Enflore et avec nos délires et vos délires pour mélanger tout ça jusqu'à 2h du mat. Et merci d'ailleurs à tous d'être là tous les soirs, de plus en plus nombreux et surtout avec plein de nouveaux. On le voit sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. Continuez, venez nous rejoindre. On est plus de 250 000 sur le Facebook de l'émission, 255 000 pour être précis. Tout ça en... ça fait combien de temps qu'on est là? On est arrivé le 22 juillet, on est le 19 novembre, donc ça fait 3 mois. Ouais, 4 voilà. Mois. Bientôt tout plein, ouais. Voilà, c'est ça, ça va bientôt faire 4. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, hein, bah, vous faites comme tout le monde, là, vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre et vous verrez la magnifique photo que Polo a pu faire de moi tout à l'heure avec le PC portable qu'on vous offre. Qu'est-ce et avec, mais oui, et avec l'écran plat qu'on vous offre et aussi. Donc voilà, PC portable et écran plat. Je remercie Instagram pour... la réparation de la photo, bien entendu, pour la mise en avant des couleurs. Hein. Ah oui, ah oui non, bah, c'est minimum, normal, c'est normal. Bah, minimum, un minimum. Oui. Ouais. Donc facebook.com/mikaelofficiel et vous pouvez m'ajouter aussi sur Instagram et sur Twitter. Je vous rajoute également, hein, si vous m'ajoutez, vous tapez Mikael officiel, tout simplement. Il y a Greg qui dit, moi ma bière c'est Stuart Little, je l'appelle comme ça, puisqu'il y a Mickaël qui nous avait appelé parce qu'apparemment il donne des surnoms avec ses potes à leur bite. C'est bien ça Mika, hein? Oui, exactement. Bon, oui. Il y a une nuit à foutre en cours, en fait. Donc. Bah oui, oui, mais c'est ça, en cours, c'est fait pour ça, c'est pour donner des pronoms à, leur, à des bites, c'est normal. Moi, je l'appellerais bien Choupinette. Choupinette, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est une idée, ouais. Il y a Geoffrey qui dit, moi, c'est Georges. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Parce que Georges est doux, Georges est frais, tic-tac, elle craque. Oh là là là là là là. Il y a Greg qui dit, moi, ma bite, ouais, Stuart Little. Moi, je l'appelle César, le roi et la Gaule. Il y a Greg qui dit, moi, les seins de ma copine, c'est raplapla. Ah bah, elle doit être contente, tiens. Ah bah. Marie-Laure qui dit, mes seins, je s'appelle Bob l'éponge. Oh là là, grande classe. Il y a Apache aussi qui dit, depuis le temps que je t'écoute l'émission, depuis le temps que j'écoute l'émission, pardon, depuis le début, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Puisque vous pouvez passer aussi Stampede de Dubs, s'il te plaît. Bah alors déjà, message de bienvenue, ça, pas de problème, je peux te le mettre. Le son de Dubs aussi. Suce ma bite. Et ben voilà, le message de bienvenue est passé. Apache, pas de problème. Théo qui dit, son sexe s'appelle Courage, car il faut prendre son courage à deux mains. Et enfin, JC qui dit, moi je l'appelle pas, elle vient toute seule. Et Valentin qui dit, moi c'est ma championne. Bah très bien. Oui. Et alors aussi Aurélien qui dit, ah là là, c'est vrai, trop beau Mickaël, pas comme Toff, mort de rire. Oui, mais merci. C'est... Mais bon, après, je trouve que comme j'étais malade cette nuit, j'ai mal dormi. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de réfléchir à plein de trucs, Mickaël, ouais. Tu me diras. Je trouve que c'est vrai que c'est mal de taper sur le physique de Toff. Ouais. Parce qu'il s'est pas fait. Ouais. Tu vois, c'est pas comme s'il était, il avait été dans un magasin qu'il avait acheté un physique de merde. Si, bah, si ce serait fait, il aurait fait pareil. Les si n'aiment pas les raies. Mais oui, c'est vrai que t'aurais pu. Mais voilà, c'est peut-être mal. C'est peut-être mal. Hein, Mickaël, toi, t'as déjà vu la tête de Toff? Oui. Sa tête, c'est mal. Mais après, je. Bah, physiquement, il est quand même difficile. Sa tête, c'est mal. Est-ce que physiquement, il est gentil? Oui, gentil, c'est ce qu'on voilà. Dit aux gens qui sont moches pour les rassurer, c'est pas... Non, c'était toi qui le dis, moi je dis simplement qu'il était gentil. Oui, il est gentil. Très bien, je te remercie. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, on va prendre Aurélien dans quelques minutes. Bah, Aurélien qui est déjà avec nous, tiens. Aurélien Dumont, salut, ça va Aurélien? Ouais, ça va. La forme dans la Sarthe. Ah, la forme dans la Sarthe, bon, ouais. T'as fait quoi aujourd'hui Aurélien, toi? Et bah, déménagement avec une grosse engueulade avec ma proprio, c'était franchement super. Oh, mais ancienne proprio ou nouvelle? Ancienne proprio. Oh bah tu l'emmerdes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui mais le mur il est sale. Le mur il est sale. Le mur est abîmé. Ouais mais j'ai habité 10 ans dedans. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'était vider la cave. Allez vider la cave. Mais attends, le pire c'est que je me suis pincé. En plus j'ai enlevé mon pantalon. Et là elle dit, non mais ça va, on est pas chez les manouches ici. Mais je suis passé hiver. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Genre ta proprio était là pour vérifier que tu faisais bien le déménagement quoi. Ouais voilà. Quelle casse-couille. Mais il faut qu'on mette une vidéo. C'est un mec qui habite près d'Anvers en fait. Et il y a son locataire. Il a démonter l'appart, mais un truc de fou, le même. En fait, c'est un psycho qui croit que les gens, les esprits vont venir chez lui, que le diable et tout est en lui. Et donc, le mec, il a fait des 666 sur les murs, il a tout tourné. Il devait être content, le proprio. Ah ouais, non, mais en fait, le mec, il dit, ouais, voilà, c'est un fou, donc je serai jamais remboursé, quoi. N'importe mais faut, je vais te filer la vidéo. Ouais, bah, on va la mettre sur le Facebook, l'appart, sans problème. Il est démonté. Bon, et toi, t'appelles comment, Aurélien, t'habites? Popol. Mais comment ça s'est... Comment ça t'est arrivé ça un soir? Tu t'es dit tiens je vais l'appeler Popol. Non, en fait, non, c'est un truc tout con, c'est parce que j'étais en relation sexuelle, bah, j'étais avec ma copine et tout, et puis à un moment donné, bah, je sais pas pourquoi, j'ai dit, allez, Popol, allez, Popol, et elle me dit, c'est qui que t'appelles Popol? Bah, d'après toi, est-ce que je te mets dans le cul, quoi? Oh, la grande classe. Ah, là, là, là, là. Oh, putain, merci Aurélien, la grande classe, là, comme tu as fait. Hein. Putain, ça aurait pu être digne de Toff, là, mais non, c'est toi qui l'as sorti, c'est pas mal. Et du coup, elle s'est foutue de ta gueule, parce que, sincèrement, moi, je suis avec une, bah, imagine, je suis une meuf, je suis avec un mec, il appelle sa bite Popol. Bah, t'es une meuf, tu sors avec Toff, non? Non hein parce que ça je pourrais pas. Ça je pourrais pas. Il y a des trucs tu vois c'est pas possible. Mais tu vois c'est à dire qu'il y a un moment Popol c'est quand même bien ringard quoi. C'est horrible. Encore tu l'appelles Brutus. Ouais, ouais ça bah c'est non, pas mal. Mais voilà parce que Brutus c'est un nom dur quoi tu vois ce que je veux dire. Tu sais en général les mecs Brutus tu vois c'est toujours les mecs qui sont baraqués tu sais qui vont mettre une patate. Alors que Popol tu vois c'est moyen Popol quand même. Il y a Arnaud qui dit aussi j'aimerais avoir mon message de bienvenue et moi Bill je l'appelle Toff car il a une tête de clown. Ça c'est pas mal. Vous êtes déséquilibré. Oui, il est pas mal. Oui. Il y a Morgan 88S qui dit tu peux appeler ton sexe Kiss Cool. Effet premier, tu kiffes. Deuxième, tu cool. C'est vrai, pas mal, Morgan. Ouais. Il y a Pamela qui dit les deux miens c'est Boops et Sayaruka qui dit et pourquoi pas les appeler le buisson. Le buisson. Pourquoi le buisson Pourquoi pas les appeler ouais, s'il y a des poils autour, éventuellement. Il y a Nico qui dit la vie, car la vie dure. Et alors Zédric qui dit aussi elle est fou de nos limites, la Mickaël. Bonne soirée à tous. Et alors Ro Diamond qui dit ma bite s'appelle Bob. Mais dites-nous pourquoi, parce que parfois vous mettez des prénoms et puis on sait pas très bien pourquoi si vous l'appelez comme ça. Mais pourquoi Bob? C'est ça la grande question. Bon, bah, merci en tout cas Aurélien d'être passé. Hein. Bah, de rien. Et tu reviens quand tu veux. Ok, y a pas de soucis. Salut Aurélien. Ciao. Salut, et on aura Virginie ciao. Aussi dans quelques minutes. Ça va Virginie? Ça va. En forme, comment ça va Metz? Ça va. Salut. Bon, très bien. Virginie, 20 ans de Metz. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en couple. T'es en couple ou pas toi, Virginie? Oui, je suis en couple. Ah, et toi, Jennifer? Non. Ah, t'es pas en couple. Jennifer n'est pas en couple. Et toi, Thomas? Ouais, toi t'es en couple, d'accord, ok, très bien. Toi, Mickaël, toi tu l'es pas, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, très bien. Non, j'ai une bonne nouvelle, puisque grâce au magazine Elle, vous connaissez le magazine Elle, tout le monde là? Oui, bah, oui. Bon, bah très bien. Eh bien, j'ai la solution pour vendre. T'es le mec qui est obstiné par vendre. pour rendre votre couple encore plus solide, et ça, c'est le principal. Jennifer, Virginie, pardon, j'imagine que... T'es avec ton mec depuis combien de temps, dis-moi? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, donc t'aimerais bien que ça aille dans le temps, que ça dure. Oui, oui. Eh bien, j'ai la solution. Ah. Eh oui. La pipe. Eh oui, la fellation. Bah oui, non, apparemment les filles, si vous voulez garder votre mec longtemps, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc il faut le pomper le dard en fait. Hein. J'ai même appris que ça aiderait à résoudre les conflits dans le couple. Donc venez nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous aimez en faire? Est-ce que vous aimez en recevoir? Venez nous en parler, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Non, c'est bien parce que si en plus ça peut aider à tu sais quand il y a une engueulade à trouver la solution, je soupçonne des mecs de créer des engueulades exprès dorénavant. Pour ah ouais, sucer. Grave. Moi, je m'embrouille avec ma meuf tous les jours juste pour me faire sucer. Ah ouais, si la solution peut venir de là. Est-ce que tu suces souvent ton mec, Virginie, même si tu t'appelais pas du tout pour ça à la base, hein, mais... Oui, là, il n'y a pas de souci. On est très content. Non, mais tant mieux, mais je n'en doute pas. Hein, c'était juste pour savoir. Très bien. Bon, Toff, tu vas pouvoir appeler des gens ce soir hein, en mais France, oui. En Belgique, pour voir si ça suce. Avec plaisir. Eh ben, très bien. On va faire ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc, ne bougez pas. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer pour qu'on puisse les appeler ce soir, là, avant 2h du mat, on fera ça plusieurs fois jusqu'à 2h du mat. Des gens encore debout à cette heure-ci et surtout des gens qui sont plutôt du style un peu tendu. Un tout petit peu. Ou un peu nerveux éventuellement, voilà, appelez-nous donc, enfin envoyez plutôt les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et donc venez nous dire si vous aimez ça, si vous aimez vous faire pomper le dard, ou si vous aimez sucer votre mec, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous trouvez ça mal, si vous le faites pour lui faire plaisir et vous en avez rien à foutre, les filles par exemple, voilà, venez nous en parler. Toi tu le fais pour ton plaisir, Virginie, pour son plaisir, pour les deux, c'est quoi? Pour les deux, mais c'est bien, non, parce qu'après il y a des filles qui le font forcément pas super bien, parce qu'elles le font tu vois, elles se forcent plutôt à le faire parce que ça fait plaisir au mec quoi, tu vois, au final, et c'est dommage. Oui. Il faut faire un truc, c'est comme le cuni, il faut le faire si tu as envie de le faire. Si tu le fais juste pour faire plaisir, tu vas le faire mal, t'auras envie que ça se passe vite, et puis c'est une horreur quoi. Il y a Thomas qui dit moi je t'appelle la grande muraille, un message de bienvenue s'il te plaît. Bah oui, la grande muraille, tu t'emballes peut-être un petit peu quand même. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Voilà Thomas, t'as compris. Stanislas qui dit la vie parce qu'il faut croquer la vie à pleines dents. Stanislas, tu vas voir s'il y a une meuf qui te croque la vie à pleines dents, comment ça va se passer. Ah il va kiffer. Ouais. Alexis qui dit moi je l'appelle Motus parce qu'il rend muet, alors Motus est bouche cousue. Il y a Paolo du 35 qui dit ma bite c'est Mickaël car il est trop beau. Merci Paolo. Je suis très touché que des gens appellent leur bite par mon prénom. Non, oui, c'est très mignon. Ah oui, c'est très mignon, ouais. Et Ariel qui dit ça n'inspire pas Popol, ça rime avec molle, c'est vrai. Et Sarah qui dit je confirme, ça va faire 7 ans que je suis avec mon homme, mais pas vraiment besoin de ça pour le garder. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc tu le suces pas souvent, si je comprends bien, Sarah. Très bien. Bon, eh ben Virginie, Jennifer et Thomas, restez avec nous. Mickaël, tu restes avec nous également. Et si je vous passais Crewella? Ah oui, quelle bonne idée. Ça me paraît un bon plan. Et si derrière il y a le son de Basto, il faut appeler Fun Radio, le 3228. Vous appelez le standard 3228 pour choper vos places pour aller au Starfloor. Ce sera samedi soir. Et donc bah, je vous rappelle que la Belgique peut jouer aussi. Bien sûr, il faut envoyer Fun, F-U-N au 6322. Je vais arriver à tomber dans les... Il y a tellement de chiffres, je suis perdu moi. Et en plus je suis malade. C'est dingue quand même. C'est scandaleux. Ben oui. Bon, ben c'est ce que je fais. Voilà, 32-28 si vous entendez le son de Basto derrière le son de Crewella que je vous mets maintenant sur Fun Radio. Il est 23h27. On est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bon bah c'était le son de Crewella maintenant. Allez hop, c'est parti. On enchaîne avec le son de Basto et Dance With Me en speed. Et puis bah juste derrière on appellera le gagnant ou la gagnante pour Starfloor. Vous appelez maintenant le standard de Fun pour gagner vos deux places pour Starfloor. Vous appelez le 3228 et pour la Belgique vous jouez en envoyant un SMS au 6322. Vous envoyez F-U-N. Ben voilà, vous avez entendu Crewella, vous avez entendu Basto. Hop, 32-28, il suffit de nous appeler maintenant pour choper vos places pour le Starfloor. On donne, on appellera le gagnant en direct dans 5-10 minutes. Et puis pour ceux qui veulent jouer, si vous êtes en Belgique, il n'y a pas de problème, vous envoyez FUN par SMS au 63-22. Voilà, bonne chance tout le monde. On va prendre le message de Jordan qui dit je veux un gros message de bienvenue. Car depuis tout à l'heure, j'en demande un. Ouais, mais il y a plein qui demandent. Il y a plein qui demandent, mais je ne vais pas tous les mettre non plus. Bah, hein. T'es enculé, gros connard. Voilà, Jordan. Alex qui dit salut Mickaël, je pourrais aussi avoir une dédicace au Spirit Orange d'Ajaccio. Bah, il n'y a pas de problème. Ma femme l'appelle le gicleur. Ça, gicleur. C'est bon. C'est pas mal, gicleur. Hein. Bizarre. Moi ouais, je trouve ça pas mal parce que Mickaël nous avait appelé parce qu'en fait avec ses potes ils sont amusés à donner des noms à leur bite. Il y a gamer et auditeur qui dit Mickaël, beaucoup de personnes ratent leur interro car ils écoutent Mickaël le soir. Alors il y a des auditeurs qui ont trouvé la solution. Quand ils rentrent des cours, ils font les devoirs éventuels ou peu importe, ils font une sieste et puis après ils reviennent, ils mettent le réveil vers 10h30 à peu près. Oh l'organisation. Et puis après ils arrivent à 23h, ils vont dormir à 2h et puis ils se relèvent à bah ça dépend où chez qui, hein, 6, 7h, 7h30. Et du coup ils ont fait leur 8h. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal la petite sieste. Voilà, ouais, une petite sieste comme ça en speed. Il y a Didier qui dit je trouve ça prétentieux de donner un nom à sa bite. Il y a plein Dead Walking qui dit moi je l'appelle Tof car c'est Tof. Car c'est Tof. J'ai pas compris. Bah, j'ai pas compris non plus. Et Megumi, tu crois qu'on dit... peut la faire baptiser ou pas? Ah, je ne sais pas, faudrait demander. Ah bah bravo. Megumi, qui dit sans déconner, les filles donnent des noms à leurs seins, c'est genre quoi, tic et tac, je pourrais les appeler ping et pong. Bah ouais, non mais sérieux, hein. Il y a des meufs qui donnent des noms à leurs seins, c'est un truc de Bob ouf. Bob et Bobette. Bah par exemple. Bon, allez, on va reprendre Thomas maintenant là pour la colle. Allô Thomas. Allô Thomas. Bon Thomas, t'es là pour la colle pour gagner le PC portable. Je rappelle qu'il y a la photo, hein. Vous pouvez voir le PC portable qu'on vous offre et même l'écran plat qu'on vous offre ce soir. Bon, pour gagner, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de répondre à la colle de Thomas. Thomas, vas-y. Il a des dents, mais il ne mord pas. qui est-il? Il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi aller voir la colle, hein, si vous préférez la lire. Hein, il y en a qui préfèrent. Même y répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Je répète, il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Alors, il y a Ludovic qui dit c'est la braguette, la réponse. Et non. Non, il y a Elodie qui dit pour la colle de ce soir, je dirais un couteau. Non. Non. Un dentier. Non. Une scie. Non. On proposait un grand-père. Non. Le vent. Non. Un escargot. Non. Un chat. Non. Un pignon. Non. Non, bon bah tant pis, hein. Bon, si vous avez la bonne réponse, on remettra le couvert tout à l'heure, on donne la réponse avant minuit 30. Donc d'ici là, vous avez encore toute la possibilité évidemment de vous inscrire. Vous, je répète, donc il a des dents mais il ne mord pas. Qui est-il? Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Sans oublier bien entendu que vous pouvez vous inscrire sur le Facebook, facebook.com/M-I-K-L officiel. A tout à l'heure Thomas. À tout à l'heure, on te reprend d'ici un petit quart d'heure. Logan qui dit pour les interros, il suffit de pas étudier, au pire, Mickaël est vachement mieux que les cours. Bah oui. Ouais, allez-y, mais par contre, ratez votre année et votre vie. Je suis peut-être mieux, mais je vous fais moins facilement passer les étapes. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Il y a Gamer et Auditeur qui dit Josiane et Josette pour mes seins. Oh bah classe. Valentin, moi c'est Ibiza parce qu'il est toujours en fête. Tiffany qui dit coucou Mickaël, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 23 ans. Non. Et bah message, je vais pas dire message de bienvenue, mais en tout cas, musique d'anniversaire. Voilà. Et Stéphanie entendant qui dit mort de rire. Oui, mon ex appelait les miens tic et tac au niveau des seins. Quelle horreur. Et Pierre qui dit je l'appelle l'oncle chauve. C'est pas mal aussi comme nom ça. C'est pas mal, ouais, Mickaël aussi qui dit ma bite s'appelle Clio. Pourquoi Clio? Il y a une raison que j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. Bon, et n'hésitez pas à expliquer vos vannes aussi. Hein. Et Angelina qui dit Mickaël, mais quand est-ce que Mickaël va reprendre sa majestueuse guitare? Bah, et là j'ai un peu la voix, comme vous pouvez le remarquer, un peu dans la merde, j'ai une bronchite. Mais parce que quand je prends la guitare, je chante en même temps, vous voyez. Ah oui. Et là, faut... là c'est un peu compliqué, mais. Et il faut un moment romantique. Et puis il faut un moment romantique, effectivement, c'est vrai. Ça vient pas comme ça. Bah non, ça vient pas comme ça là. Hein. Mais enfin bon, bah Jennifer. Oui. Bon, toi qui es célibataire. Mmh. Combien mesures-tu? Oui, c'était pas la question que je voulais poser. Ouais, mais moi j'avais envie. D'accord, ok. Alors bon. Combien mesures-tu, Jennifer? Je suis 1m67. Combien pèses-tu? C'est bon ça? Ah non. Ah si. Ah non, c'est dur ça. C'est dur. Pourquoi? Oui, c'est bien, mais 1m67 non? Oui, je fais 58 kilos. Oui, alors c'est bien. Bah c'est bon. Quel est ton tour de poitrine? Non, peut-être pas, non. Mais si. Mais non. Mais si. Bon, attends. Avec la taille et ton poids, je dirais un petit 90 C. Ressoupèse un peu celui de pas gauche, mal, il est un peu pas plus mal. Gros. Je suis dedans ou pas? Quasiment, ouais. Ah putain, j'aimerais bien être dedans, mais bon, enfin bref. Ouais. Alors, 90 C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? La dernière taille du pantalon que j'ai acheté? Oui. Ouais. 38. Parfait. Hop. Bah oui Jennifer, voilà un petit 90. Alors c'est quoi 95 c'est? Ouais c'est ça. Ah bah voilà, mais on n'est pas dans le détail. Ouais je sais, je suis premier sur les seins. Ah bah c'est vrai. J'ai l'œil, le nez et la palpation. Ah, bravo. Oui, c'est vrai. Il est docteur en sein. Oui, tout à fait, exactement. Je suis spécialisé. Bon, du coup, Jennifer, tu nous as pas dit, toi, quand t'es avec un mec, est-ce que par rapport à notre. Bah, c'est même pas notre sondage, hein, c'est le magazine Elle qui a fait ça à notre place, hein, et Dieu sait qu'on remercie le magazine Elle. Donc, est-ce que quand t'es avec ton mec, il y a beaucoup de fellation, ou t'aimes pas ça, t'aimes bien ça, ou pas? Ça me dérange pas plus que ça. Mais t'es pas fan plus que ça non plus? Je suis pas fan plus que ça non plus, non. D'accord, mais peut-être parce que t'es sorti avec des crados aussi. Non, ils étaient toujours très propres. Non mais attention, parce qu'il y a des meufs. Moi je me souviens, le premier cunis que j'ai fait, c'était dur, hein. Ah ouais. Heureusement que je suis pas resté coincé dessus, parce que plus jamais j'en aurais fait. Mais parce ouais. que putain, la meuf, je sais pas si elle était, c'était peut-être son odeur naturelle, j'en sais rien. Mais arrête. Non mais c'est vrai, c'était vraiment horrible. C'était ouais, horrible. Qui brûlait, quoi. Ah putain, ça sentait la moule. ça sentait le poisson pourri, quoi. Y a rien de pire qu'une moule pas entretenue. Non mais, et c'est pareil pour les mecs, hein. Il faut laver, quoi. Enfin, faut laver, quoi, c'est clair. Voilà, prenez une douche et si vous savez que votre meuf elle va venir, voilà, elle est au moins lavée avant. À l'alcool, pareil pour les brûler. Mecs. Si vous pensez que le soir même ça va se passer, ben voilà, arrangez-vous quoi. Bon bah du coup, tu restes avec nous Jennifer, on va appeler les premiers là ce soir là pour voir un peu comment ça se passe. Si les Français ou si les Belges ont plutôt tendance à se faire pomper ou aiment bien pomper. Ah, allons-y, okay. Allons-y. Donc on y va, on appelle, c'est avec Tof comme chaque soir. Si vous avez des numéros, vous envoyez les numéros de gens encore debout jusqu'à 2h du mat. toph@funradio.fr, on les appelle ce soir avant 2h du matin. Allez, c'est parti. Reste avec nous Jenny hein. Oui oui. Très bien. Ah, on va pas jeter un 95C comme ça. Ah non. Et ce serait gâché. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si vous suciez régulièrement votre mari. Pardon ? Est-ce que vous pratiquez régulièrement des fellations à votre mari ? Ah, allez vous faire reprendre un con. Allez vous faire quoi ? Allez vous faire pendre ? Allez vous faire pendre, pendre. Ah, pendre, d'accord, ok. Attends, on va la rappeler. Hein. Elle avait l'air gentille, la dame. Hein, Jennifer, elle a l'air plutôt cordiale. Ouais, très sympathique. Charmante. Bah oui, c'est ça, vraiment super cool et tout. Très bien. Bon, on rappelle. Allez. Genre, ils sont à l'autre bout de leur pièce, là. Enfin, de la maison, même, du château. Allô ? Oui. Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, en fait, voilà, je voulais savoir si votre femme vous suçait régulièrement, monsieur. Écoute-moi, tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée, t'as compris, enculé ? Mais c'est pas gentil, ça. T'as compris, gros pédé ? C'est pas gentil, ta ça. Ta mère a le sucer les bites de culé, cotier. T'as compris ? Oui, j'ai compris, monsieur, mais je vois pas le rapport. Oh, quelle violence ! Ah, il était... Oh, putain ! On rappelle Jennifer ou pas, là ? Ah, oui. Encore un petit coup, là, hein ? Oh, putain, il était d'une violence, lui. Je pense que c'était le pire qu'on ait eu, hein. Mais heureusement, Dexter, notre stagiaire... Écoute-moi, tu veux un conseil ? Bah, oui, j'aimerais bien. Bon, maintenant, tu vas un petit peu te faire enculer. Déjà, il dure. Et si tu continues, je vais localiser la paix et j'appelle les flics. Alors, tu prends, tu me fous la paix. D'accord ? Ah oui, monsieur, mais c'est quand même pas gentil pour ma maman. Ah ouais ? Ah ouais, bah écoute, tu me dis que si, tu me demandes si ma femme me suce tous les soirs. Moi, je te réponds que ta mère est la plus grosse pute que la terre puisse porter. Voilà, c'est tout. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Voilà. Ben il a terminé bien, tu vois, gentiment. Oh, c'est violent. Et bien maintenant, va te faire enculer. Allez, oh, au revoir. Ça non, te fera bien. Promener. Ça te fera promener. Ben il y a pas de problème. Bon, ben du coup Jennifer, t'en vas se remettre et prendre une douche froide et puis il va revenir. Ah ouais, non, lui il était. Ah, il était pas mal. Bon, Katy Perry t'aimes bien toi ou pas ? Ouais, j'adore. Ouais. Eh ben très bien, on va se mettre. Merde, pas celui-là. On va se mettre dans quelques instants. Tiens, Katy Perry avec Walking on Air. Ouais. Et puis Jennifer, reste avec nous, tu vas reparler aussi de par rapport à Mickaël qui donnait les surnoms à sa bite. Jennifer et Virginie et Thomas, vous êtes tous là ? Ouais. Oui. Parfait, et bien restez là, je vous reprends juste après Katy Perry avec Walking on Air. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là, il est 23h41 et juste après ça, je vous envoie la nuit sans pub sur Fun Radio. Allez, bon courage tout le monde, Mickaël No Limit, on est là 23h, 2h tous les jours de la semaine en direct. Et oui, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et aux anciens également. Vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu ? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, bienvenue. Si vous venez de débarquer, on est en direct dans toute la France. On va appeler le gagnant pour Starfloor dans quelques minutes. Il y a Alexis qui dit repasse-le, mort de rire. C'était trop drôle l'appel avec Tof. On va le faire dans quelques minutes si tu veux, il n'y a pas de problème. On était à découper juste les insultes. Au final, c'est ce qui nous intéresse le plus. Bon, on va également reprendre Thomas. Bah, tant qu'il est là, tiens, il va répéter la colle. Là. Thomas, t'es toujours là ? Oui. Parfait, alors répète la colle puisqu'on a un petit peu de temps, vas-y. Il a des dents mais il ne mord pas, qui est-il ? Il a des dents mais il ne mord pas, qui est-il ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien c'est pas compliqué. Vous repartirez peut-être avec votre écran plat ou votre PC portable. Vous envoyez simplement M-I-K-L et la réponse au 64-900 par SMS. Ou alors rendez-vous sur le Facebook de l'émission, hein, si vous voulez jouer sur le Facebook, c'est possible. facebook.com/M-I-K-L-officiel. Venez nous rejoindre, on est plus de 255 000 et on attend les autres évidemment, tous les nouveaux qui débarquent. Vous êtes des centaines, jour par jour à venir nous rejoindre. Et vous faites bien d'ailleurs, hein, continuez à faire le message, à passer le message auprès de vos amis, dans votre bahut, au travail, hein, qu'il se passe enfin quelque chose de bien le soir. Ça se passe sur Fun Radio à partir de 23h. Bon, ben voilà, bonne chance pour la colle. On la répétera encore tout à l'heure, on donnera la réponse avant minuit 30. Et on écoute le son de Katy Perry maintenant, c'est Walking On Air sur Fun Radio. Tonight, tonight. Katy Perry instant sur Fun avec Walking On Air, et puis il y a eu Crewella et Basto enchaînés tout à l'heure, c'est donc le... Vous partez vous éclater à Starfloor. Starfloor. Avec toutes les superstars Fun Radio en oui. Live. C'est le double fun sur Fun Radio. Bah, en l'occurrence, c'était le double fun. Hein. Donc, il y a eu les deux sons qui sont passés. Vous avez été nombreux à appeler le 3228. Et pour les Belgiques, en envoyant FUN au 6322, on appelle maintenant donc le gagnant ou la gagnante. Celui ou celle qui décroche maintenant repart avec ses deux tickets pour le concert événement de la fin d'année qui est complet depuis Belle Lurette. Très belle expression. Oh, hein. C'est très beau ça, Belle Lurette. Oui, quelqu'un m'a sorti tout à l'heure. Je me suis dit, c'est pas mal. Bonsoir, comment tu t'appelles? Lionel. Salut Lionel, c'est Mickaël. T'es en direct sur Fun. C'est pourquoi je t'appelle? Ouais, pour le double fun. Mais oui, parce que tu vas venir nous voir, Karima et moi. Oui. Ah oui, accessoirement, il y a aussi Crewella, il y a aussi Carly Rae Jepsen, il y aura aussi Basto. Il y aura Teuf. Bon, il y aura Teuf, mais bon, ça ensemble. Mais je serai bien caché. C'est vraiment Karima et moi, quoi, au final, que tu vas venir voir. Ben voilà, c'est ça. Note, au final, on sera plus souvent là sur scène que les artistes. Ouais. Sauf qu'on mixera pas, mais dans l'absolu. Attention, moi je fais le warm-up. Waouh! D'accord. Avec Mico C. Avec Mico C. Waouh, la grande classe. Ouais, bon, on a promis les deux premiers titres. C'est vrai. Bah, bravo à toi en tout cas. Hein. Tu repars avec tes deux tickets. Bah, rencard samedi au concert, au concert de l'année. Hein. Concert complet de cette fin d'année. Pour les autres, restez bien à l'écoute de Fun Radio. Dès qu'il y a le double fun qui passe, Crewella enchaîné avec Basto. Le double fun, il faut donc appeler le 3228. Bon, et ben, salut à toi. Salut, bonne soirée. Je vous écoute tous les soirs. Vous êtes trop cool. Cool. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Ciao. Merci. Salut, salut. Bon, salut. Mais une bonne chose de faite. Le double fun, c'est plié. On est au cœur de la nuit sans pub également. Hein, donc soyez les bienvenus. Si vous venez de débarquer, il y aura dans quelques minutes le chéri. Je peux te faire cocu. Ah. Il y a Marceau qui dit qu'est-ce qu'on se fait chier. Heureusement que vous êtes là, Mickaël. Énorme. Merci Marceau. Il y a Stéphanie qui dit pété de rire. Le pire qui me ferait fuir, c'est ceux qui se font tatouer un serpent sur la bite. Oh avec, non, quelle horreur. Avec le piercing pour les yeux. J'ai jamais vu ça en vrai, mais ça doit être horrible quand même. Horrible. Et Jordan qui dit je l'appelle Marsupilami car elle saute partout. Et Black Dragon qui dit un petit message de bienvenue pour ma belle-sœur, s'il te plaît. Je vous écoute. Elle vous écoute pour la première fois. Alors Black Dragon, comme c'est la première fois qu'il écoute, je vais te mettre un tout nouveau qui vient d'arriver. Celui qu'on vient de prendre de l'appel de Toff que Dexter le stagiaire a déjà découpé. Et maintenant, on va te faire enculer, ça ira te promener. Eh ben voilà, grâce à notre ami. Tu vas un petit peu te faire enculer. Ah, il avait des problèmes avec ça. Hein. Ta mère a le sucé les bites de culé, côtier. Voilà, il avait des problèmes quand même dans chaque appel, il a quand même dit enculé plusieurs fois. Donc c'est quand même. Ah oui, oui, on l'a appelé trois fois, je rappelle. Et Thomas qui dit comment Toff s'est fait enculer. C'était limite ta mère est la plus grosse pute du monde. Maintenant, va te faire enculer cordialement. Oui, c'était en gros ça. Il était un homme poli, mais sur la fin. Et Benjamin qui dit ma bite s'appelle Big Ben. Elle est et elle indique minuit. Big up à l'équipe. Et Rémi, salut, vous êtes super. Je suis au taf depuis 7h30 ce matin. Bah, bon courage, mec. Hein. Je sais pas ce que tu fais comme boulot. Mais pour y être depuis 7h30 ce matin, t'es pas chômeur, quoi. Hein, ça, c'est clair. Bon, 23h54, déjà top tweet. Merci pour tous les messages que vous envoyez sur le Twitter. Merci de nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission où vous êtes de plus en plus nombreux. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Et il y a toujours l'écran plat à gagner, écran plat ou le PC portable avec la colle de Thomas que nous allons refaire dans quelques instants. Avant ça, on récupère Mickaël, toujours là. Mickaël. Oui, présent. Ah, très bien, parfait. Bon, Mickaël de Toulouse qui nous avait expliqué qu'il s'était amusé avec des potes à donner des surnoms à ses beats, enfin à vos beats en l'occurrence. Hein. Voilà, oui, et puis il y a également Johan qui est avec nous de Nancy là. Salut Johan. Salut Mickaël. Comment va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va, hormis la bronchite, mais sinon ça va. Oh, mais ça va s'arranger. Bah oui, t'inquiète, et bon courage hein, pour la bronchite. Ouais, bah écoute, c'est gentil. Mais en même temps, si j'avais écouté le médecin, je serais même pas là ce soir. Hein. Vous seriez là comme des cons. Vous auriez passé la soirée avec Toff, autant avec Toff et avec Polo. Alors je peux vous dire que vous auriez été bien. Non, mais attends, c'est-à-dire qu'ils auraient fait. Ils ont rappelé que des meufs déjà. Je te baise là. D'ailleurs il y a Alexis qui dit on bronchera pas parce que t'as une bronchite. Ok, coup de pelle. Ah oui, grave. Coup de pelle, grave. Lance-flamme. Et Alexis, tu sors. Non, c'est comme ça. Je ne reviendrai pas sur ma punition. Alexis, tu peux sortir, tu peux couper ta radio, tu peux dispenser des coups de ce soir. Tu reviendras demain, hein. Tu reviendras demain avec de meilleures vannes, parce que celle-là, elle était quand même vraiment pas terrible. Bon, Johan, comment t'appelles ta bite, toi? La saucisse de Strasbourg. J'ai rien. La saucisse de Strasbourg. La saucisse de Strasbourg. Et c'est tellement sexy comme appellation, hein. Mais quoi? C'est tellement sexy. La saucisse de Strasbourg. Mais ça t'est venu comme ça ou c'est une meuf qui t'a donné ça? Non, c'est une meuf qui a appelé comme ça. Ah d'accord, ok. Elle lui faisait, viens là, montre-moi ta saucisse de Strasbourg. C'est ça, et ben... Tu vas un petit peu te faire enculer. Ah, avec ta saucisse de Strasbourg, tiens. Bon, et toi Virginie? Oui. Bon, alors toi, t'appelles tes seins d'une manière bien précise ou c'est la bite de ton mec ou... Ou c'est ton mec qui appelle son... Mon copain, il appelle sa bite Jacqueline. Ah, tu as un copain. Quoi? Jacqueline? Oui. Jacqueline, mais pourquoi? Attends, bah, je comprends pas. C'est un grand fan de Jack Daniel, donc du whisky, puis ça lui a pris d'un coup, il a envie d'appeler sa bite Jacqueline. Ah, mais voilà. Après, il était beau ce jour-là. Ouais, parce qu'après, il y a une différence entre... Bon, déjà, il a du courage, hein, parce que le whisky, c'est quand même la boisson la plus dégueulasse du monde. Mais entre Jack Daniel, qui est un nom qui peut éventuellement péter, pourquoi pas, et Jacqueline, il y a quand même une marge. Oui, oui, c'est sûr. Tiens, oui, de le rappeler, je sais pas moi, Daniels ou... GD, Jack. Jack non, c'est vraiment bizarre. Non, mais c'est chaud. Change de mec. Viens voir le gros Jack. Là, ça pète. Ouais, ou y avoir Gigi. Ou tu vois, non, Gigi, c'est un peu naze aussi. Mais bon. Et attends, Virginie, combien mesures-tu? Ouais, c'est mieux, on va voir. Quel rapport? Pour voir s'il peut venir me voir. Ah oui. Bon, en même temps, vu ta gueule, n'importe quelle meuf peut venir. Combien pèses-tu? 55 kilos. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu peux te faire enculer. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Wow. Vous êtes déséquilibré. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah, tu peux venir me voir quand tu veux. Ouais, effectivement, il y a. Je suis entièrement disponible, je te prêterai mon gros Jack. Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Bonne, bonne, bonne! Et bonne! Effectivement, oui. Virginie, c'est dommage, tu es prise. Hein. Malheureusement, on fera avec. Ah oui. On fera sans sur toi. Mais enfin, en même temps, te taper un mec qui appelle sa bite Jacqueline. Moyen quand même. Hein. Non mais c'est vrai, il y a maman, c'est quand même pas sérieux. Jennifer, tu tombes sur un mec et il dit ah ben viens voir Jacqueline. Non, je me sauve. Non, bah voilà, donc on est d'accord. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Et toi Jennifer, tu appelles tes seins d'une manière particulière ou ton mec, ton ex éventuellement appelé... Non, du tout. Alors tu nous appelais pourquoi alors? Parce qu'en fait moi je suis aide à domicile. Et justement, j'avais besoin d'aide. Mais c'est pas la bonne aide, Tof. Et en fait, j'ai eu un nouveau patient. Et quand je suis arrivée chez lui, il fallait que je lui donne la douche. Et quand il s'est mis nu, ben là, grosse surprise. Au-dessus de la bite, en fait, il avait un tatouage avec marqué « Pour toi, salope ». Oh, c'est bon, ça. Et ouais, c'est drôle. Je tiens à préciser qu'il a 78 ans. Ouais, mais bon, il a fait la vanne, à mon avis, il y a 50 ans, donc... Oui, voilà, c'est le bon vieux tatouage avec l'encre qui est pas du tout noire, qui est un peu vert ouais, bleu, bien piqué. Ouais. Vert bleu qu'il a fait lui-même, tu vois. Ouais, limite, enfin, en fait, il avait perdu un pari avec ses amis, il m'a raconté, il était un peu plein, et puis, ben, voilà. Et en fait, il s'est trimballé ce tatouage toute sa vie. Non, c'est bon, le pour toi salope, il est bon quand même. Ah, c'est pas mal, tu vas en faire un demain, tiens. Ah ouais, mais j'y vais tout de suite. Bah oui. Eh bah, si vous êtes tatoueur ou tatoueuse, venez dans le studio, vous allez pouvoir le faire. Ah, c'est gratuit, Tof. Bah, et t'es déjà percé, Tof. Bah, allez, tu viens de dire, je le fais tout de suite. Oui, mais c'était une vanne, c'est une blague. Ah, d'accord, t'as vu comment il est? Oh là là, mais c'est pas possible, ça, Tof, avec toutes les salopes que tu rencontres, alors faire plaisir. Mais oui, mais voilà, c'est ça, pour toi salope. Hop là, ça y est, c'est fait. Non, mais vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est pas des conneries. Ouais, non mais toi je viens de croire hein. Mais c'est juste que ça aurait été bien que Tof le fasse. Ah ouais, moi je pensais allez, qu'il Tof, était moi plaisir. Je pensais qu'il était rock'n'roll ce mec, mais en mais fait je suis rock'n'roll mais je ne fais pas ça. Ouais, tu parles. Oui Johan. Une petite claque pour Tof. Bah bien sûr. Voilà, de toute façon c'est tout ce qu'il mérite et je lui mets de le côté aussi. Tiens. Voilà. Bon attends, il y a Thomas aussi qui est avec nous d'Evry là. Ouais. Thomas, ça va? Ça va, enfin en moyen. Bah qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis vénère depuis vendredi, ma prof d'anglais elle veut pas me rendre mon téléphone. Ah oui, mais ça c'est parce que tu l'as utilisé en cours d'anglais. Ah non, c'est faux. Ah bah tu l'as utilisé, pourquoi elle te l'a pris alors? C'était ironique. Bah, non mais je me fais chier, j'étais sur mon téléphone. Ah oui, donc bah, ouais, d'accord, oui, oui. D'accord, je croyais que c'était ironique le fait qu'elle te l'ait pris. Do you speak English? Yes, yes, very well. Ah oh, bah... I speak English. Ah bah, allez, fais-moi une phrase que tu vas faire demain à ta prof d'anglais pour t'excuser. Ouais. Pour t'excuser. Une longue. Non, pas spécialement longue, mais la sans faute. Oula, attends, je réfléchis. Réfléchis bien. Hello, miss. Non. Professeur. Teacher. Oui, on prend les pas dans le détail. Madame. Yeah, motherfucker. Si t'as fait si t'as fait. Madame. Je lui dis. En anglais ou en français? Non, en anglais, allez hop. Ah ouais, putain, ouais, attends, Google Traduction. Non. Non, parce que Google Traduction, je peux te dire que moi déjà j'avais une prof d'anglais qui venait d'Oxford, elle me cassait les couilles avec toutes les expressions qu'ils ont en Angleterre, ouais. Alors qu'aux États-Unis ils les ont pas, tu vois, et même par rapport à l'horaire, quoi, tu vois, ils sont relous aux États-Unis, c'est tellement simple, tu dis quelle heure il est, et ben il est 8h25, voilà. Ouais, alors que ces connards d'anglais, depuis que j'ai chopé la bronchite chez ces connards d'anglais là, ces bouffeurs de roast beef là et de buveurs de thé le matin là ou de thé au lait, ah je suis vénère. Et il est 25 passé de 8, soustrait à 17 moins 13 secondes. Ils sont relous avec leurs horaires. Il y en a qui viennent me demander l'heure. On était à l'aéroport, il me dit vous avez l'heure? Je dis ouais. Je fais 8:25. Excuse me? Je fais 8:25. I don't understand. Alors je lui montre l'heure. Et l'autre il me fait la version anglaise. Ouais. Écoute-moi bien, va te faire enculer avec ton pays pourri. Déjà vous roulez dans le mauvais sens. C'est vrai. J'aurais dû lui dire, j'ai pas pensé, déjà vous roulez dans le mauvais sens, bande de cons. Bon bref, j'ai craché ma haine, c'est parce que j'ai ma bronchite et que c'est un anglais qui a dû me la donner ce week-end. Voilà, bon, crache à la gueule à Toff. Bon Thomas, est-ce que ça y est là? Ouais, franchement, direct. Alors je dis give me my phone, bitch. Mais non. Give me my phone. Mais non, mais en fait, à cause d'elle, là, je suis en fait genre depuis vendredi, j'ai pas parlé à ma copine là demain. Si elle me le rend pas, mais alors là. Ah non, en plus ta copine, elle doit croire que tu te fous de sa gueule du coup. Non mais grave, non mais c'est un truc de dingue. Bah oui, mais bon, tu lui dis ça a brisé mon couple et tout, tu vois, vous pouvez pas faire ça. Ouais, et tu vois au final ta propre elle aura réussi, elle t'a la confisqué, mais alors tu réfléchiras deux fois avant d'allumer ton téléphone en cours. Non mais tu sais, en plus genre j'ai un pote qui me dit ouais, il y a une loi, ils sont obligés de te rendre ton téléphone. Je fais bah putain, s'il y a vraiment une loi, dis-moi juste où elle est. Bah oui, bah d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, tiens, les pires punitions que vous avez eues, parce que toi encore ça va, c'est juste un téléphone qu'on t'a confisqué, rien de grave. Nickel. De quoi? Nickel. Ouais Johan. Ouais, juste un conseil à dire à Thomas. Vas-y. Ah t'inquiète pas, hein. Franchement moi j'ai peut-être pas deux jours comme quelques jours comme toi t'as eu. C'était un soir, j'ai même pas prévenu mon ex, comme quoi je me suis fait prendre mon téléphone, puis bah au bout d'un moment t'es rendu compte que je me foutais pas de sa gueule. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon conseil, hein. C'est pas vraiment un bon conseil, mais après perso, ma perso, je te dis, t'as la confiance en toi, franchement ça devrait encore marcher. Bah écoute, en même temps, et pour l'instant elle a rien dit, hein, elle a même pas envoyé un message ni quoi que ce soit, hein, c'est juste que là elle a plus de nouvelles puisqu'elle a plus de téléphone le pauvre. Bon, et en même temps tu pourrais prendre le téléphone de ta mère ou de ton père juste pour la prévenir, tu vois. Ouais, mais le problème c'est que je connais pas son numéro. Ah bah bravo, ça, c'est mec, félicitations, bravo. Tu connais pas le numéro de ta meuf. Elle a flemme de la prendre, quoi. Oh là là, t'es pas mauvais, tu es très mauvais. D'ailleurs, ouais, t'as envie de péter sur la gueule. T'as donné son numéro de téléphone et toi t'es là. Merde. Attends, parce qu'ils sont en train de faire une conversation là. Vous avez fini, oui? Ou je vous confisque votre téléphone aussi là? Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, enfin sinon moi je voulais lui dire qu'il avait raison de pas retenir le numéro, de toute façon dans une semaine il en aura une autre. Oui, en plus. C'est vraiment ce qu'on a pour rien. C'est pas faux, ouais. Bon Thomas, et t'appelles ta bite comment toi en fait pour revenir au centre du sujet? Non, moi en fait genre c'est les seins de ma copine en fait. Ah, tu les appelles comment? Alors c'est rive droite et rive gauche. Mais pourquoi? Parce qu'en fait genre une fois on a voulu essayer la branlette espagnole. Et j'ai dit bon alors attends, tu sais quoi? Et tu as créé un fleuve au milieu. Ici, et tu me laisses mettre paquebot au milieu. Oh paquebot. Oh genre il se la ramène. Ah en le plus. Ah ouais putain, il se la ramène grave lui. Oh là là. Bon bah Thomas et Johan, merci à vous d'être passé en tout cas. Y'a pas de quoi. Allez, j'ai une petite dédicace. Allez vas-y Johan, à une seule personne, hein. Attention, choisis la bonne. Ouais, je fais une petite dédicace à Marie qui écoute Fun Radio en ce moment. Eh bah très bien, bon on l'embrasse. C'est la première fois qu'elle écoute ou elle écoute elle écoute depuis longtemps ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois qu'elle écoute, je crois. Non, mais je lui mets un petit message de bienvenue. Un petit pote à faire enculer. Ah bah voilà, très bien, voilà, le message est passé, pas de problème. Bon. Il y a un petit message de bienvenue aussi pour moi. Ah bah évidemment, bien sûr, avec plaisir. Oh grand chat, putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, petit message de bienvenue, tu l'as eu, Johan, y'a pas de problème. Salut, Johan. Mickaël, je peux faire une dédicace aussi. Ciao, vas-y, Johan, à une seule personne, tu connais la règle aussi, vas-y. Non, moi c'est Thomas, moi. Ah oui, merde Thomas, excuse-moi. vas-y Thomas. Alors moi je fais une dédicace à mon prof de... éducation civique qui en est à mon sixième rapport sur moi. Pas mal. Voilà, pas mal. Voilà. Ça, très bien. Pour lui, ça. Eh ben écoute, il sera ravi, pas de problème. Bon allez, salut Thomas. C'est bien parce que entre le prof d'anglais qui te confie sur le téléphone, l'autre prof qui t'a fait le sixième rapport, toi t'es pas mal toi hein, en termes de termes d'études. Hein. Ah ouais, c'est bien. Là, on sent le mec qui va réussir. Quoi. Ah ouais, on sent le mec au taquet là, c'est pas mal. Bon ben salut Thomas, à bientôt. Hein. Salut. Et les filles, gros bisous à vous deux les filles. Ouais, gros bisous. C'est possible de faire une petite dédicace. Allez, vas-y, y a une seule personne aussi. Vas-y Virginie. Bah, à mon chéri Anthony qui est en train d'écouter Fun Radio. Voilà. Et qui appelle Sabine. Donc je le. Vas-y. Jacqueline. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Voilà. L'échange de prénoms, sans déconner, c'est dramatique quoi. C'est scandaleux, c'est une honte. Je lui dirai. C'est une honte. Bon, gros bisous Jennifer. Ouais, gros bisous, petite dédicace à l'équipe de rugby de Besançon quand même. Ah oui, ça m'étonne pas ça. Bah, la dédicace. Mais oui, voilà la dédicace, ouais. Bon bah salut les filles, gros bisous. Gros bisous. À bientôt, et Mickaël, ouais, merci d'être passé. Ciao, ouais, Jenny. Je peux passer une dédicace, moi aussi. Allez, vas-y en speed alors, une seule personne. Ok, alors une dédicace à mon pote Léo là qui m'écoute, et je peux faire le petit truc qui m'a demandé de faire un petit bruit. Ça dépend, vas-y, ouais, de toute façon en même temps j'ai pas le choix, vas-y. Cherchez même pas à comprendre. Hein. Bon, tu vas suivre le monsieur habillé en blanc. Tu vas voir, il te veut du bien. Évidemment. T'inquiète pas. Y a pas de problème. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Voilà. Bon, et on l'embrasse. Hein. Salut à toi, à bientôt, merci, Mickaël. Au revoir. Ciao, bye bye. Allez, restez tous là. On va prendre François aussi dans quelques minutes. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Cassandra. Salut François, comment ça va ? Salut, ça va bien. En forme ? On parle de quoi dans quelques minutes avec toi, François ? Dis-moi. Un petit truc qui m'est arrivé la semaine dernière sur le périphérique de Nantes avec une femme qui était habillée mais juste le haut. Ah bah n'en parle pas plus François, on en parle dans quelques minutes là. Et on va récupérer Thomas dans quelques instants aussi avec la colle, le chéri je peux te faire cocu. Et on écoute comme promis le son maintenant de Fédé Legrand sur Fun Radio avec No Good, il est minuit 8. On est au cœur de la nuit sans pub, on n'est pas emmerdé sur Fun Radio. Il n'y a pas de pub, on est à la cool avec tous vos délires en direct. Venez également nous rejoindre sur le Twitter, vous ajoutez MIKL_officiel. Si vous me suivez, je vous suivrai également, pareil sur le Facebook. Et c'est Fédé Legrand qu'on écoute, c'est No Good sur Fun. Bonne nuit tout le monde. C'est Fun Radio avec Fédé Legrand. C'était No Good. Il y a Cassandra dans quelques minutes qui va débarquer pour le chéri je peux te faire cocu comme chaque lundi soir. Et puis bon, on va encore faire un petit appel aussi là hein, par rapport à cette bonne nouvelle sur laquelle je suis tombé. Pour tous ceux qui sont en couple, grâce au magazine Elle, j'ai enfin la solution pour rendre votre couple plus solide dans la longueur. La fellation, la pipe apparemment. Donc les filles, plus vous sucez votre mec, plus vous avez des chances de le garder longtemps. Et je voulais savoir du coup si vous aimiez, si vous n'aimiez pas et si vous faites ça par plaisir, si vous faites ça par forcer, mais en tout cas vous forcez à le faire pour faire plaisir à votre mec. Et puis s'il y a des mecs qui n'aiment pas, parce que ça peut arriver, c'est assez rare je pense, mais si jamais il y en a qui n'aiment pas, eh ben n'hésitez pas à venir nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On parlera aussi tout à l'heure des pires punitions que vous avez déjà eues quand vous étiez au bahut, bah, soit maintenant soit avant. Venez nous en parler. C'est quoi la pire punition toi Teuf que t'as eu au bahut? La pire punition, c'était quand j'étais gamin, enfin j'étais gamin, j'étais genre en primaire, et en fait j'étais déjà bordélique à l'époque, et le prof a pris toutes mes affaires, ouais. Et il a tout balancé par la fenêtre. Ah ouais, et ça c'est sûr, en général c'est plutôt les mères qui font ça. Si tu ranges pas ta chambre, je jette tout par la fenêtre. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Mais bah là, j'ai retrouvé mon cartable au milieu de la cour, il y avait. Oh l'enculé. Ah ouais, non, c'est. Et toi Polo? Oh, j'en ai eu plein moi. Ouais, mais genre une. Alors, en fait j'ai passé toute mon année de 6ème en colle. Ouais. Voilà, de 16 à 18h j'étais en colle. Ouais, et voilà, maintenant il fait de la radio, donc ouais. Vous voyez que soyez bien à l'école. Hein. J'ai aussi cette punition où tout, en primaire, enfin tu sais, vers 10h t'avais une pause là. Ouais. Et en fait pendant un mois j'écrivais, je faisais une punition, je ne dois pas courir. Sur après la table de ping-pong. Sur la table de ping-pong pendant la récréation. Dans ma classe on avait foutu le bordel, on avait mis des pétards dans le bahut et tout. Et donc ils nous ont fait nettoyer tout le préau. C'est-à-dire qu'on a dû nettoyer à la main, ramasser tous les papiers qui traînaient, les mettre dans la... C'est bien. Ah ouais, non, ils avaient des bons trucs pour bien nous foutre la haine devant les autres. Et Sandro? Je ne dois pas faire exploser mon école. Non, mais j'en ai eu plein, mais la plus violente c'était virer 3 jours. Ah oui, mais pourquoi? Parce que quand on allait en, tu sais, en sport, on allait dans un gymnase, on sortait du collège. Ouais. En fait, on avait un trajet à faire et nous, on s'arrêtait à chaque fois chez le rebeu acheter des bonbons. Oh, ça va, et t'as été viré pour ça ? On s'est fait griller, ouais. Bah, c'est interdit. Non, mais d'accord, mais viré 3 jours. Ouais, ouais, ils nous ont viré 3 jours pour ça. Oh putain, c'est violent. Eh bien, figurez-vous que pendant que vous étiez en train de raconter vos histoires, j'en cherchais une. Eh ben, j'en ai pas, j'ai toujours été un élève modèle. Ah ouais, c'est normal, déjà à l'époque tu étais parfait. Mais oui, mais c'est ça, non, mais je suis en train de chercher. Plein d'autres. J'étais puni, mais rien de violent, rien de qui m'a marqué en tout cas. Je me suis fait gifler en CE2. Ah pas mal. Ah ouais. Ah, moi je me suis fait tirer l'oreille. On était en train de discuter, tu vois, et donc le prof, comme on discutait, on faisait pas attention. Le prof, il arrive derrière nous, il nous a pris tous les deux par l'oreille et nous a emmené à la porte comme ça devant tout le monde. Ah non, moi j'étais escroc moi quand j'étais petit. Ah ouais. À 7 ans, j'ai vendu ma première télé à mon prof. Véridique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une télé dans la classe, tu sais, parfois il mettait des dessins animés ou il mettait parfois des petits reportages. Et la télé était quand même bien pourrie, c'était un vieux bazar. Et mon père avait un magasin de télé, donc du coup, en fait, je m'étais arrangé et j'avais pété la télé discrètement. Et donc, du coup, quand elle était en panne, je dis, ah, mais si vous voulez, mon père, il vend les télés, monsieur. Ah bon? Je dis, ouais, attendez, je lui demanderai ce soir. Et le lendemain, j'arrivais, ouais, bah justement, il en a une, pas trop chère, voilà le prix, ah bah super. Et hop, mon père, il arrivait, il livrait la télé, et puis voilà, c'était fait, quoi. Ouais, c'est pas et donc, mal. J'en ai vendu quelques-unes comme ça à mes profs, ça a toujours été un bon commerce. Mais j'ai toujours été plutôt comme ça, mais jamais vraiment de souvenirs de. C'est donc de là que ça devient. Ouais, bah entre autres. Et toi, Thomas, qui est avec nous pour la colle, entre autres aussi, justement. Thomas, c'est quoi la pire punition que t'as eue, toi ? Bah, moi j'en ai pas eu, je suis un élève modèle aussi. Oh, élève modèle, c'est bien, Thomas, bravo. C'est nul. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais il a raison. Bon, et bah, et toi, Teddy, qui est avec nous aussi ? Salut Teddy. Allô. Ça va Teddy? Ça va et vous? Bah ça va tranquille. C'est quoi la pire punition que t'as eue toi? Je sais pas, 10 heures de colle. 10 heures de colle? Bah non, c'est pas mal. Ah 3 heures, oui c'est un peu moins bien ça. Bon d'accord, ok. Et toi François? Moi c'est... je me suis fait prendre dans l'internat des filles. Et puis j'ai été obligé de marquer sur une feuille ce qu'on avait fait avec la fille justement dans le lit où je me suis retrouvé avec... Non mais t'es sérieux? Eh ben alors je lui ai fait un cunilingus, ensuite elle m'a sucé, c'est ça qui s'est passé? Non, c'est pas ça, j'étais jeune mais après il fallait tout expliquer, alors c'était tout un bordel. Quel monde de pervers, des vicieux tu vois, explique-nous qu'est-ce que vous avez fait, oui. Dites-nous tout en détail, qu'est-ce qui s'est passé? Oui c'est ça, ouais. Bon bah très bien. Bon François, bah alors très bien, bah, reste avec nous, les autres appelez-nous 01-42-48-5000, 02-851, 4x0. Et puis avant de se faire le chéri je peux te faire cocu, on se remet un dernier coup, la colle. Allez vas-y Thomas, la colle donc maintenant pour repartir avec soit l'écran plat, soit le PC portable, en gros vous choisissez. C'est l'un ou l'autre, on a les deux de toute façon donc il n'y a pas de problème. Il y a la photo avec la colle qui est sur le Facebook de l'émission pour ceux qui ont du mal à y répondre à la colle et qui ont préfèrent la lire en fait, hein. facebook.com/mikaelofficiel. Vas-y pour la colle Thomas. Il a des dents mais il ne mord pas, qui est-il? Il a des dents mais il ne mord pas, qui est-il? On proposait le vent, c'est Elodie. Non. Un engrenage. Non. Un pédalier de vélo. Non. Il y a un peigne. Oui. Ah c'est un peigne? Oui. Non! Bah attends, il faut qu'on appelle le bon, celui qui a envoyé la bonne réponse. Alors parfait, il y en a qui proposaient un râteau également. Non. Très bien, il y en a qui proposaient l'humain, bah c'est pas ça, le canard, le lapin, le timbre. Bon, bah très bien, bah parfait. Bon, bah on appelle un des gagnants qui a envoyé peigne. Et puis bah, si celui qu'on appelle maintenant bah, décroche, et bah il va gagner alors, hein, du coup. Donc la seule chance qui te reste, Thomas, c'est que le mec décroche pas. D'accord. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, mais là maintenant au moins on connaît la bonne réponse du coup. Hein. Bon bah du coup bah vous pouvez vous inscrire, hein, n'hésitez pas. Vous envoyez Mikael au 64 900, Mikael et Peigne hein, en l'occurrence au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et pareil sur le Facebook, facebook.com/Mikael officiel. Thomas reste avec nous, puisqu'on sait que c'est le Peigne maintenant dans bah comme je le promets à chaque fois, vers 00h30 on appellera le gagnant en direct sur Fun Radio. Si il décroche et que bah il donne la bonne réponse qui vient d'être donnée, eh bien ce sera gagné. Reste avec nous Thomas, on va prendre Cassandra maintenant là pour faire le chéri je peux te faire cocu. Je vais d'abord enlever cette musique insupportable, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Bon Cassandra, comment ça va? Bonsoir à toi. Salut tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal Cassandra. On va faire un petit chéri je peux te faire cocu? Tout à fait. Très bien, bon alors Cassandra donc de Nancy, on y était d'ailleurs hein, il y a plus de 3 semaines à Nancy, oui. C'est une magnifique ville, on était bien, ville, ah, bah, oui. Oh on était bien avec des belles auditrices. Oui, depuis le temps qu'on vous attendait dans Charlie. Le coin. Bah oui, t'étais passé nous voir? Non, j'ai pas pu, bah, bravo. Travailler. Ah, depuis le temps qu'on vous attendait, mais je suis pas venu. Bah non, j'en avais rien à foutre. Mais oui, c'est ça, bah oui. Miss Lorraine, je t'embrasse. Bon, bien sûr.

t'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Eh ben voilà, y a pas de problème. Et Kender aussi qui dit un bon chéri, je peux te faire cocu, c'est énorme. Mort de rire mon doudou, c'est quoi ce nom de merde, Michel il m'a tué, c'est Joss. Julien qui dit ah comment il s'énerve, c'est tip top. Le mec il est complètement vénère, c'est Benjamin. Et puis Ariel qui dit le pauvre doudou, son sang est en train de bouillir, était en train de bouillir plutôt. Bon allez, bienvenue tout le monde, on va récupérer Teddy dans quelques minutes. On aura François qui voulait nous raconter son anecdote sur le périph' à Nantes. Et puis Dimitri, Jean-Philippe, Pascal pour parler des pires punitions. Et on appellera le gagnant ou la gagnante de la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Le temps d'écouter le son d'Ellie Goulding sur Fun Radio, minuit 33. On est en direct, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter la nuit sur Fun Radio, que ça se passe. Ellie Goulding, on écoute Burn au cœur de la nuit sans pub. We don't have to worry about nothing. À l'instant sur Fun, c'était Burn au cœur de la nuit sans pub à minuit 37. On est toujours en direct sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus. Si vous vous posez la question, si vous venez de débarquer, welcome, hein, bienvenue sur Fun Radio. 23h-2h du lundi au jeudi, c'est Mickaël No Limit. On est en direct évidemment le dimanche de 20h à minuit. Et puis pour ceux qui viennent d'autres radios, rassurez-vous, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter. 23h-2h toutes les nuits, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Faites passer le message auprès de vos potes par exemple. Allez, qui dit une dédicace à tout le lycée Toulouse de Trek. Bah le message il est passé. Il y a Lux aussi, Jonathan pardon, qui dit bonsoir, ma plus belle connerie à l'école c'est de dire au prof en rentrant en classe chômage technique et je me suis fait envoyer de l'école. Oh ça va. Ah ils ont pas d'humour. Ah hein. Ils ont pas d'humour. Oh là là. Ils ont pas d'humour. Bon et Selena qui dit au collège j'étais en études et j'avais fait j'avais fait le plein de chiquettes avec ma feuille et comme ma voisine de derrière arrêtait pas d'appeler, je précise que si je me retournais pour parler, je me faisais engueuler par la surveillante. J'ai jeté mon tas de chiquettes sur elle et du coup j'ai dû balayer la salle d'études pendant une semaine. Ah bah ouais, mais ça après. C'est bien. De la merde, t'as fait de la merde. Encore, ça va, c'est un coup de balai. Adrien qui dit moi, ma mère me faisait copier les lignes de la main droite. Je suis gaucher. Genre, mais pas deux lignes, hein, mais 100 ou 150 fois la même phrase. Oh là là. Et Maëva qui dit ma prof d'art plastique m'a viré de cours, plus 2 heures de colle, car j'avais oublié une feuille de cours. Et Apache également, je me suis fait virer une semaine pour avoir fait une bombe en caleçon dans la fontaine du bahut avec les profs à côté. Ça rigolait pas. Eh, ça va tranquille avec une petite fontaine dans la cour, hein. Mais oui, ça c'est bon. Eh, c'est pas mal comme bahut là. T'étais plutôt bien, toi, hein, surtout en été. C'est plutôt cool. Bon, les pires punitions, on en parle dans quelques minutes. On va d'abord donner la réponse à la colle, puisqu'on est déjà en retard. Thomas est avec nous. Thomas, toujours là? Oui. Bon, très bien. Allez, c'est parti pour la réponse à la colle. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit avec la bonne réponse de préférence. En plus, elle a été donnée tout à l'heure. Donc, si vous êtes avec la mauvaise, c'est que vous êtes vraiment mauvais. Et ta seule chance. Ah, allô? Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Audrey. Salut, Audrey. C'est Mickaël. T'es en direct sur Fun. Audrey, tu as quel âge, dans quelle ville? J'ai 25 ans et je suis en Dordogne. Très bien. Alors, Audrey, il y a Thomas qui a le col à te poser. Il a des dents, mais il ne mord pas. Qui est-il? Le peigne. Le peigne. Bah Thomas, tu l'avais déjà confirmé tout à l'heure. T'as trouvé grâce à la réponse qui a été donnée ou tu as trouvé toute seule? J'hésitais. Ah, t'hésitais. Eh ben voilà. Ouais. Bravo à toi, Audrey. Bon ben le PC portable est pour toi, Audrey. Félicitations. Merci. Avec plaisir. Et puis tu peux remercier Thomas. Lui par contre il gagnera pas le PC portable, malheureusement pour lui. Désolé Thomas. Et bah, on lui repart les mains vides. Mais oui. Non, on va quand même lui filer. Mais oui, on va te filer un pack fun Thomas, bien sûr, pas de problème. Tu es trop bon. Oui je sais, je t'en prie. Salut Thomas, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Et à bientôt. Audrey, tu veux une livraison à domicile par Toff ou pas? C'est loin pour lui. C'est vrai, oh, mais combien mesures-tu, Audrey, quand même? Rien n'est loin, il a déjà fait des trucs bien plus loin, tu sais. Oui, j'ai déjà traversé le monde. Combien mesures-tu, Audrey? Complètement. 1m75. Combien pèses-tu? 68. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Ah oui, D comme Denise, alors. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ah oui. Bah, je peux te livrer, hein. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouais, il peut faire la livraison si tu veux, y a pas de problème, Audrey. S'il trouve. Mais t'inquiète pas, il trouvera, tu vois, il mettra le nibar GPS. Ouais. Y a pas de problème. Il va trouver, il renifle, pire qu'un chien. Bon Audrey, le PC portable est pour toi, bravo à toi, tu retournes chez Sandro Standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidos, d'accord? Merci beaucoup. Je te fais des bisous. Salut, salut. Salut à tout le monde. À bientôt, Audrey. Et on remet le couvert évidemment demain, bien sûr, sur Fun. Donc restez bien là. Et puis on va parler télé également. On est, ouais, d'habitude on fait ça à minuit. Hein, mais il y a eu le Chéri Cocu, tout ça. On est un peu à la bourre. On est un peu débordé. Bah oui, c'est ça. On va parler de Confessions Intimes, une de mes émissions préférées où on a un grand philosophe qui nous fait partager son amour de la littérature et la grande, très grande littérature. J'ai l'impression qu'avec ces bouquins, que on dirait qu'il faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là en fait. Les grosses tapettes là, qui disent monde et merveille. Mais en fait, le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça, ils ont une putain d'imagination quand même. C'est de la merde. Hey, il est énorme celui-là. Bah, c'était nos confessions intimes, hein, voilà. Et donc comment ça va bien sur France 2, il y a une petite fille qui nous explique comment son papa conduit en fait. Ferme ta gueule. Après il klaxonne et il dit allez connasse. Ah ouais, grand classe, hein, donc c'est vrai, moralité c'est bien pour. On va quand même se remettre le coup de Confessions Intimes avec le mec qui est un grand critique littéraire. Ouais. Un grand critique littéraire. J'ai l'impression qu'avec ces bouquins, on dirait qu'il faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là en fait. Les grosses tapettes là, qui disent monde et merveille. Mais en fait, le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça, ils ont une putain d'imagination quand même. C'est de la merde. J'aime bien le c'est de la merde aussi pour terminer, c'est quand même pas mal. Bon, allez, avant de récupérer notre ami Dimitri, Jean-Philippe et Pascal, vous êtes à tous les trois ? Ouais, il n'y a pas de souci. Avant de parler des pires punitions, ça vous dit que. Alors déjà, est-ce que vous êtes maqué ? Est-ce que vous sortez avec quelqu'un ? Vous êtes marié éventuellement ? Non. Non, pour Dimitri, Jean-Philippe ? Oui. Philippe, oui, et Pascal, oui, et Jean-Philippe ? Moi je suis avec quelqu'un. D'accord. Et est-ce que, bah du coup Dimitri tu joues pas. Et Jean-Philippe et Pascal, est-ce que votre copine ou femme vous suce souvent? Régulièrement. Jean-Philippe va dire non et Pascal? Régulièrement. Régulièrement, très bien. Eh bien Pascal, tu risques d'avoir une vie amoureuse avec cette femme très longtemps, alors que ce n'est pas le cas pour toi Jean-Philippe, puisqu'il y a une étude qui a été faite dans le magazine Elle qui dit que plus votre copine vous suce, plus vous avez de chances de rester avec elle longtemps, et ça peut même être une solution quand ça gueule. Oui, hein, en cas de conflit, une petite conflit, pipe et hop, le conflit redescend. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale la pipe? Écoute, je ne sais pas, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Donc du coup, depuis tout à l'heure, on appelle des gens pour leur demander si ça suce beaucoup dans leur couple ou pas, hein, pour savoir si ça va durer, pas durer. Donc on appelle, on fait un petit appel maintenant. Vous restez avec nous les gars? Ouais. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Toff, t'es prêt donc, hein? Toujours. Ah bah tant mieux. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Je rappelle que si vous avez des numéros à donner, n'hésitez pas, toph@funradio.fr pour donner. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelais pour savoir si votre femme vous suçait régulièrement. Bah je sais pas, et la tienne, elle te suce, tête de guiche. Je vois pas le rapport monsieur, c'est moi qui vous pose la question. Eh bah va te faire enculer déjà. Bah, je vois toujours pas le rapport monsieur. Tête de bite. Oui. Ouais. Oui. Bah mais... si tu sais qui je suis, bah t'as qu'à venir jusque chez moi. Puis je vais venir, puis je vais défoncer ta grosse gueule d'enculé. T'as compris, bâtard? Pourquoi vous voulez faire tout ça monsieur? Ah bah je sais pas, mais une chose est sûre, il veut le faire. Oh, quelle sympathie. Bon, on rappelle. Allez, c'est parti, on y retourne chez ce gentil monsieur. Et de vite. Oui, je m'excuse monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous voulez me faire tout ça. Eh, tu vas fermer ta grande gueule, t'as compris? Bah, oui, d'accord, mais moi je voulais vous aider à améliorer votre couple, monsieur. Bah déjà, avec la gueule que tu dois avoir, tête de bite, ça doit pas être un couple que tu vas faire, toi. Tu dois aller chez des culs et à mon avis, le cul de ton pote, il doit avoir un rebord de peau de chambre. D'accord, mais en fait, moi je voulais vous aider pour resserrer les liens dans votre couple, pour avoir un couple plus solide, monsieur. Mais viens, moi je vais te resserrer tes liens, tête de bite. Non mais monsieur, enfin je comprends. Bah viens m'expliquer si, je vois pas mon téléphone. Bah oui, mais je suis un peu loin, monsieur, moi je suis sur Paris. Ah ouais, d'accord. Abruti, connard. Elle a raccroché, ah bah voilà, c'était gratuit. Hein. C'était sympathique, c'était beau, gratuit. C'était mignon, j'étais... Bien accueilli. Oui. Voilà, ça c'est vraiment le... Je me suis senti aimé. Oui, exactement, oui. C'est bien parce que l'avantage c'est que si on avait appelé chez un Marseillais par exemple, ça aurait terminé comme ça quand t'as dit Paris. Oh putain de Parisiens. Voilà, tu vois, c'est ça. Bon, si vous avez des numéros de personnes qui sont sur Paris éventuellement, ils sont sur Marseille. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont sur Marseille, en tout cas dans le sud, n'hésitez pas à toph@funradio.fr, on les appellera tout à l'heure avant 2h du matin. Bon, Dimitri, revenons maintenant avec toi puisqu'on parlait des pires punitions que vous avez pu avoir sur la gueule. Hein. Ouais. Alors voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as eu comme pire punition, toi, Dimitri, dis-moi. Moi, ben là, tout récemment, ben, mon père, il m'a puni de sortie jusqu'à ma majorité. Mais, j'ai 12 ans, c'est véridique. Hein. Mais c'est pourquoi ben, parce qu'en fait, avec mon frère et ma soeur, on est rentrés un petit peu après le coucher du soleil, alors qu'on devait rentrer avant. Ouais, non, il est sérieux, mais jusqu'à 18 ans, là, mais t'as quel âge, là? T'as 15 ans, mais quand on vend 3 ans de punition, c'est un bon, ce daron. Juste, ton daron, il a pas de montre qui te dit que tu dois rentrer avant le coucher du soleil? Il faut venir avant le coucher du soleil. Sinon, les esprits te mangeront. Attendez, le pire, c'est que mon petit frère, qui est le plus jeune, il a que 11 ans, et lui aussi, il est concerné par la punition. Ah merde, jusqu'à 18 ans, putain, 7 ans de punition, le pauvre. Il y a quand même un bon point, c'est que mon père, on peut aller voir seulement quand on est seulement pendant certaines vacances. Et de toute façon, moi, je le verrai encore moins parce que je vais entrer dans la marine. Donc, du coup, de toute façon, tu pourras pas sortir non plus. Ouais, voilà, oui, c'est ça, tu pourras pas sortir non plus dans la marine. Donc là, dans l'autre. Dans la marine, ce sera moins compliqué parce que chez mon père, il y a vraiment rien à faire. Il y a rien de possible à faire. Donc, en n'ayant rien à faire, t'as réussi à rentrer en retard et du coup à être puni. Non mais été punis parce qu'on était allé à une fête chez des amis et on est rentré un peu tard et donc de toute façon c'est un peu chiant hein, quand on est chez notre père parce que si on peut pas sortir on n'a rien d'autre à faire. Enfin, peu importe, après le débat n'est pas là, je vais pas mettre à la place ton père, mais s'il te dit de rentrer avant telle heure et que tu rentres après, forcément. Bon, ouais, ça mérite peut-être pas la... ça mérite peut-être pas la perpétuité, tu vois. Mais ouais. Bon, voilà, après, t'as désobéi, quoi. Et si tu veux, on peut te venger. Sinon, il y en a eu d'autres, hein, quand j'étais plus jeune. Je devais entrer en 6e. Ouais. Je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que c'était parce que j'avais révélé que la porte du garage n'était jamais fermée pour qu'on puisse rentrer quand il y avait personne dans la maison. J'ai été puni pendant à peu près un an de toutes sortes d'écrans, ordinateur, console de jeu et télévision. Ah ouais, c'est pas mal. Il rigole pas ton daron. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il rigole pas. Bah non, je vois ça. Il y avait ma mère quand mon père était au travail parce que sinon je devenais fou. Hein. Ah ouais. Attends, il y avait Polo qui avait une idée de vengeance. Ben oui, on peut le venger, on peut l'appeler, non? Ah, tu peux l'appeler? Non, on peut pas. Non, si, on l'appelle de ta part. On dit enculé. Non, le problème, c'est que j'ai pas son numéro parce que il l'a caché. Mais tu connais pas le numéro de ton père. Dis-nous, je veux pas que vous l'appeliez, point. Non, ce serait un vrai plaisir, mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas son numéro. Mais oui. Moi non plus, je connais pas le numéro de mon père. Non, moi non plus, je connais pas le numéro de mon père. À la limite, j'aurais le fixe, mais... Voilà, le fixe, c'est très bien. Il y a pas de chance qu'il réponde. Hein. Comme ça, tu seras puni jusqu'à 40 ans, jusqu'à ta retraite, 65 ans. Non, voilà. par contre, j'ai une idée. Quoi? Si t'as un pistolet laser, on peut toujours lui raser la tête. Un pistolet laser pour lui raser la tête. Je peux, mais ça va pas vraiment t'aider, hein, parce que j'ai mon pistolet laser, mais... Tu vois, il rase pas la tête, hein. Moi je dis on peut l'appeler son daron, je lui demande s'il se fait sucer régulièrement. Je demande à ma mère si elle a le numéro sous la main parce que moi je l'ai pas là. Oui, ça tu peux faire, ouais. Bah demande à ta run pour voir. Ah. On va te venger. Attends, je vais tirer sur toi pour voir ça le rase. Ah, il est bien comme ça avec la moitié de la tête là. Ouais, mais ça rase pas. Hein. Par contre, faudrait éviter que dire que c'est de ma part parce que. Mais bien sûr, tu nous connais, tu peux nous faire confiance. Dimitri, attends, je te repasse Sandro, on va prendre le numéro, on va l'appeler pour voir s'il se fait souvent sucer, tiens. Ah, comme ça au moins on verra si son couple durera. En fait c'est peut-être pas une bonne idée parce que ma mère vient de me rappeler qu'il y a une histoire avec le tribunal dans 2 semaines donc. Oh là là. Ouais, je m'en fous, j'ai le bras long. Et on fait ça en loose day, on va pas. À la limite, moi aussi je m'en foutrais, mais Michael connaît le juge, t'inquiète, on mettra. Mettre un petit bifton sur la table. Bon, Dimitri, sinon on fait ça dans 15 jours, c'est pas grave. Écoute, je te repasse Sandro, qu'on prenne le numéro, on fera ça après le jugement, comme ça on est tranquille. Y a pas de soucis. Attends, y a Jean-Philippe aussi avec nous là. Jean-Philippe ? Ouais. Ça va ? Ouais, toi ? Tranquille. Bienvenue Jean-Philippe, 19 ans de Mulhouse, toi ? Ouais. Et donc toi, tu te fais pas souvent sucer, hein, si je me souviens bien de tout à l'heure, même si c'est pas pour ça que t'appelles, mais bon. Et c'est dommage, parce que tu rates des choses. Bah, c'est ça. Bon, alors c'est quoi la pire punition, toi ? Alors moi, c'est j'ai fait les 400 coups en une journée, j'ai distribué un laxatif à un sixième pour voir si c'était imminent ou pas. C'est et dégueulasse. Et j'avais démonté toutes les portes des toilettes des gars et des filles alors que le bâtiment était, était neuf. Mais pourquoi faire? Bah en fait, je m'ennuyais. Alors, voilà. Ah, alors j'ai redémonté toutes les chiottes que les mecs ils avaient installées. Et j'ai tout reposé dans le, dans le, dans le hall. Mais pourquoi tu fais pas comme Toff là sur ton téléphone? Tu prends plein de jeux. Ah oui, des jeux. Quand il s'ennuie, Toff il joue à plein de jeux bidons comme et ça. Et quand il s'ennuie pas, hein. Ah bon? Ah ouais, mais la batterie elle part. Ah oui, ouais, ouais, bah oui, mais ça après, bah oui, mais il a raison, c'est ouais, vrai. Mais enfin, en même temps, c'est le concept d'un téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Si c'est pour avoir toujours de la batterie, t'en sers pas, tu l'allumes pas, et puis c'est bon. Ouais, il y a le prince qui dit ma perpulition à l'école primaire, mon maître d'école m'a tapé avec une, mais je n'ai pas la suite du message, c'est dommage. Megumi qui dit mais lol, la sécu qui rembourse la pipe, il y en a, attends, c'est quoi? Ben, ils m'en doivent, mort de rire. Et alors Marino qui dit trop bien fun, ça fait une semaine que je vous écoute, dédicace à ma famille, bisous la clique. Salut Marino, bienvenue à toi. Et puis bah sois la bienvenue déjà, n'oublie pas de prévenir les autres qu'il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir sur Fun Radio. Et oui, si vous venez d'autres radios, c'est sur Fun que ça se passe. Il y a Aurore aussi qui dit oh les insultes, et en plus ils raccrochent, pas de respect quand même. Ah bah non, ça c'est clair. Ça, c'est vraiment honteux. Et Megumi, ah bah toi, tu dois être le mec le plus raccroché au nez de la terre. Qui ça? Plus que moi, c'est pas possible. Ah, je pense. Et insulté aussi d'ailleurs. Megumi encore qui dit ah c'est de la merde, faut le couper, le garder en son, il est énorme. T'inquiète pas, il y a Dexter le stagiaire qui a été s'en occuper. Laurent qui dit livraison spéciale de Toff avec sa super moto, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu la moto là. Oui oui, mais c'est bon là, en fait elle était au garage depuis hier. Il y avait un problème avec le je sais pas quoi, la culasse, je crois. J'en sais rien. Ouais, enfin, je sais pas, moi j'y comprends, j'y connais rien. Je crois qu'on s'est fait escroquer par le garagiste. Hein. Ouais, c'est quand il m'a vu arriver ça. Bah oui, c'est ça ouais. Mais Elle démarre mieux qu'avant là. Ouais. Tu vois, avant elle avait des ratés, là maintenant, attends, on va la refaire là. Mais... Hop là, tu vois. Elle avait des ratés, mais non, ça va beaucoup mieux là. Alexou qui dit puni jusqu'à la majorité le pauvre. Et alors, message aussi de Titi qui dit depuis que j'ai mis votre jingle en sonnerie, les gens reconnaissent tout de suite et les autres demandent d'où vient cette musique. Ça va faire du monde à force. Si tout le monde fait comme moi, alors je dis go go go, tous sur Fun. Quel jingle t'as mis, Titi là? Dis-nous lequel. Et Jérém qui dit avec un pote, on a dû rester jusqu'à 22h en col quand j'ai séché pour une grève. Bah, c'est ça, profitez aussi, faites grève. Il n'y a pas de raison que ça arrive, que ça arrive quand même. Bon, merci Jean-Philippe d'être passé en tout cas. Mais de rien, je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y, y a une personne, vas-y. Ok, merci. Je vais faire une petite dédicace à mon cœur que j'aime très très fort. Très bien. Oh, c'est Mimi. Ah oui, bah, le message est passé. Salut, salut. Salut. Allez, à bientôt, ciao. Bon, on va également prendre... peut-être qu'on aura Gilou dans quelques minutes, là. Ah. Ça faisait longtemps, tiens, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière, là, le Gilou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été crado. Eh oui, bon, et François, on va te reprendre juste après le son de Avicii avec Hey Brother, et on va parler donc de okay. ton... de ton... l'anecdote, voilà, c'est le mot que je cherchais. Anecdote voilà. Sur le périph' à Nantes, c'est ça, François? C'est ça, c'est ça. Bon, bah, très bien, alors, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche en deux mots, là? Bah, t'es habillé, mais juste en haut. Très bien. Bon, et alors rien en bas. Bah, c'est parfait. Alors, ne bouge pas, on en parle dans 4 minutes, juste après le son d'Avicii et Hey Brother, d'accord? Ok. Très bien, reste avec nous François. Les autres, soyez les bienvenus. Venez également nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Je vous rappelle, j'ai mis la vidéo aussi dont on parlait tout à l'heure là, du mec qui a ravagé son appartement parce que il a peur, il avait peur qu'il. Enfin il pensait qu'il y avait des esprits dedans, qu'il était hanté l'appartement. Oh là là. Enfin, il l'a pas ravagé, il l'a ruiné, hein. Il est mort oui, l'appartement. Il est complètement pété quoi. Je voudrais pas être le propriétaire de cet appart. Ah il est ruiné l'appart. Donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre, on est plus de 250 000 dessus en 3 mois d'émission. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Vous faites bien passer les messages. Et venez également nous rejoindre sur le Twitter et l'Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir me rejoindre sur Twitter et Instagram. Et si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également avec plaisir. On se suivra mutuellement. Et si vous êtes une fille, je vous followerai par derrière. C'est aussi simple que ça. Allez, comme promis, le son d'Avicii maintenant. Hey Brother sur Fun. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Hey Brother. C'était Avicii sur Fun Radio. Hey Brother. Alors vous êtes un salaud. Bah oui, voilà, comme d'habitude. Il est minuit 58, il y a un message qui c'est pas vrai. Moi, mon ex, je le suçais beaucoup, ça l'a pas empêché de se barrer. Ah oui, mais ça après. Après, dans un sondage, il y a toujours une marge d'erreur. Hein. Ah oui. Voilà, c'est vrai. Quelques petites erreurs, oui, ça ne marche pas. Il peut y avoir quelques erreurs. Ceux qui viennent d'arriver, on est tombé sur un sondage dans le magazine Elle qui disait que pour les filles, donc si vous suciez vos mecs le plus souvent, en l'occurrence, ils avaient moins de chances de se barrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle des gens depuis tout à l'heure. Et là j'ai reçu à peu près tous les numéros des gens de Marseille. Donc c'est bon. On va pouvoir appeler tout Marseille là. Impeccable. Il y a Jordan qui dit changez rien, vous êtes énorme et j'ai jamais eu mon message de bienvenue. Pourtant je vous écoute depuis fin juillet. Comment ça t'as jamais eu ton message de bienvenue? Bah attends. En plus il y a plein de petits nouveaux qui viennent d'arriver là, des messages de bienvenue grâce aux appels de Toff ce soir. Attends, j'en ai un beau là, tiens. Tête de bite. Ah bah voilà, tiens, il est bien. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Et bah va te reculer déjà. Ah bah voilà déjà, ouais. C'est pas. Attends, il y a Cindy aussi qui dit on sait toujours pas pour qui la peluche de Toff, on veut savoir. Mais on sait pas encore, hein. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a été à Londres ce week-end voir le concert de 30 Seconds to Mars. Et d'ailleurs on devrait normalement avoir des nouvelles de Jared Leto bientôt, dans la semaine quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, parce que comme je sais que les filles sont fans, elles aiment bien, c'est physique, et qu'en plus dans la salle de concert, il devait y avoir, bah Toff était aux anges, il devait y avoir à peu près 80% de filles dans cette salle de concert. Alors en plus, elles étaient toutes. Et ça allait de tout, hein. Il y avait de la méga bimbo à la meuf complètement tatouée, buveuse. Alors par contre, elle buvait toute de la bière, donc ça par contre c'était généralisé. Mais voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gonzesses dans cette salle de concert, et je me suis dit que ce serait bien d'avoir Jared en invité, un de ces quatre. Donc, comme ça, vous savez tout. Bref, je ne sais plus ce que je disais maintenant. On ne savait toujours pas pour qui était la peluche. Et donc, on avait été à Londres donc voir le concert. Et quand on est revenu, bah attends, faut acheter une peluche. Et donc, on a supputé que c'était moche, pour une meuf. Ouais, qui très cher. C'était pas tout cher. Ah oui, c'était une peluche en bois. Mais bon, à la limite, ça peu importe. Il n'a pas voulu nous dire. On en avait deux pour un. Ouais, ah bah c'est ça. Il n'a pas voulu nous dire à qui était destinée cette peluche. Ouais. Donc on a mené l'enquête et donc pour l'instant on est un petit peu dans une voie de garage avec Polo, mais on peut offrir un cadeau. Alors ça peut aller au... Oui, je peux mettre des places pour le Starfloor. Ouais. Ça peut être un plus gros cadeau également au besoin, c'est pas un problème. Je peux venir faire le ménage. En soubrette. Ouais. Et donc là, alors, il me faut la photo, parce que la pluche on l'a vue puisqu'on l'a acheté avec Toff. Il me faut la photo de votre tête avec la pluche. À ce moment-là, ce sera considéré comme une preuve et je pourrai vous offrir votre cadeau. Voilà. Donc ce qui veut dire que il y a une meuf qui va recevoir une. La peluche, puisque c'est, j'imagine que c'est pour la plus importante, la plus officielle, encore que officielle, on peut pas dire puisqu'on est pas au courant. Donc la plus importante, donc ça veut dire que toutes les autres à qui fait croire Monts et Merveilles, vous êtes en fait la dernière roue du carrosse, hein. Vous êtes considérés comme les merdes. Puisque vous n'avez pas reçu la peluche, donc c'est pas vous la plus importante. Donc voilà. Donc je tiens à rappeler, si vous êtes une meuf de Toff et que vous recevez une peluche, faites la photo avec et je vous offre un cadeau. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a Megumi qui dit Jared, il t'a pas lancé un regard amoureux. Mais pourquoi tu fais qu'il me lance un regard amoureux, Megumi? Mais si, il l'a cherché tout le concert, il l'a cherché du regard. Il l'a appelé sur scène. C'est ça. Il y a GTR aussi qui dit c'est possible un message de bienvenue pour un fidèle quand même. Bah oui, si tu veux, ouais. Tête de guiche. Tête de guiche, ouais. Il y a Marino qui dit je peux aussi un message de bienvenue, s'il vous plaît. Pour bisous à mon fils Kenzo, tiens. Tu vas un petit peu te faire enculer. Voilà, et Rossen qui dit et mon message de bienvenue, je vous écoute depuis le début, j'en ai pas eu sniff. Ah attention, je peux pas en mettre à tout le monde non plus, sinon on fait que ça aussi. Hein. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Voilà, c'est les nouveaux qu'on a eu tout à l'heure, ça, tout simplement. Bon, François, je t'avais promis qu'on allait te reprendre juste après le son d'Avicii, je n'ai qu'une parole, nous sommes avec toi, François. Tu avais une anecdote Une anecdote qui t'est arrivée sur le périph de Nantes. Ouais, qui m'est arrivée la semaine dernière. Ah, c'est tout frais, parfait. Et en fait, c'est une voiture, parce que je suis chauffeur routier, qui s'est mise au niveau de ma cabine le soir, quoi, le plafonnier allumé. Et en fait, c'était une femme qui était habillée en haut, mais en bas, elle avait rien et elle était en train de se toucher, quoi. Oh, c'est bon, ça. Et quoi, vous vous êtes arrêté et tu l'as consommé? J'y ai fait des appels de phare pour qu'elle s'arrête, mais elle s'est pas arrêtée, quoi. Ah ouais, attends, mais tu l'as vu où? C'est pour ça que j'appelais pour la radio, on sait jamais, au cas où, si elle écouterait, voilà, quoi. Attends, mais tu l'as vu Tu l'as vu où exactement? Sur le périph de Nantes, moi je roulais comme chauffeur routier en fait. Ah oui, parce que du coup avec le camion t'es plus haut. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien. Et donc, putain, sympa ça, mais elle était toute seule dans la caisse? Ah ouais, elle était toute seule, puis elle est bien restée bien une minute à côté de la cabine, quoi. Puis elle faisait exprès de rester à côté de la cabine. Ah ouais, c'est ça. Et t'aurais dû descendre, hein. tu mets les warnings, tu descends, excusez-moi, je peux vous aider? Je peux vous prêter mon doigt? On était en train de rouler, quoi. Et j'y ai fait des appels de phare quand elle est repassée devant, quoi, mais c'est jamais arrêté. D'accord. Ah putain. Peut-être que tu lui as pas plu, hein, elle a vu ta tête, elle a fait ah non, pas lui, elle est allée voir un autre camion. Ah oui, non, mais franchement, faut essayer. Parce que dans une voiture, tu vois pas en fait les chauffeurs. Oui, non, c'est vrai. Mais eux, ils voient rien, quoi. Et ça qui est bien, c'est quand t'es chauffeur routier, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton bahut, personne ne verra. Et t'as déjà vu d'autres trucs comme ça? Ouais, des mecs aussi. Mais après, les mecs, ça, je m'en fous un peu, quoi. Mais, mais ça arrive beaucoup. Ah, des mecs qui se paluchent? Ouais, voilà. Et toi, ça doit être ton kiff, hein, vu la hauteur que t'as dans le camion, c'est en été avec les mecs qui ont, enfin les meufs surtout, qui ont des cabriolets. Ouais, ou même pas obligé que ça soit un cabriolet, parce que par la fenêtre côté passager, en fait, tu vois tout, quoi. Mais bon, avec le cabriolet, c'est encore plus flag. Moi, j'aime bien, je crois que je vais faire routier. Ouais, routier, les meufs dans les bagnoles. Ah, ça, c'est un camion, toi. Ouais, exactement. T'es dans le camion, là, ou pas? Ouais, là, je suis dans le camion, là. Ouais. Bah, justement, je suis sur Pierre-Yves de Nantes. Et tu cherches la meuf, en fait. Et il cherche. Si à mon temps, je vais m'arrêter sur l'herbe de Valette d'ici un quart d'heure. On sera à la Sibie. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Oui. Et oui, attention, j'arrive. Sur l'herbe de Valette, faites attention au kilomètre 500. Et fais péter le klaxon pour voir, là. Attends, 30 secondes. Oh, quel petit joueur. Ridicule. Ah, moi, j'en ai un aussi, moi. Ah oui, oui. Ah bah non, là, on sent le... Ah, on sent le gros camion, là, non? Ah oui, oui. Attends, j'en ai d'autres. Oui. Ouais, ça fait voiture normale. Attends. Voilà, je l'ai retrouvé. Ah, c'est mieux, là, je te mets ta race, hein. Ouais, c'est ah, sûr. Ah oui. Ouais, ça va. Mais celui-là, c'est le meilleur. C'est la voiture de Toff, ça. Attends. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le klaxon de la voiture de Toff, là. De sa mobilette. Ouais, de la mobilette, oui, bien sûr. Et quand tu nous vois, tu n'hésites pas à l'écraser, bien sûr, François. Bon, bah, merci en tout cas pour l'anecdote. Et puis, bonne branlette ce soir, en attendant qu'elle arrive, hein. Ouais, c'est clair. Et puis y a moyen d'avoir un petit pack fun. Mais oui, avec plaisir. Tu vas retourner chez Sandro, on va t'envoyer ça rapidos. Ok, je vous remercie. Je t'en prie, à bientôt, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, salut. Allez, salut, ciao. Bon, on va s'écouter aussi tout à l'heure le son de Dubs, si on l'avait promis tout à l'heure, avec Tsunami sur Fun Radio. Tsunami. Oui. Et puis on écoutera aussi le son de Redfoo. Redfoo avec Let's Get Ridiculous. Redfoo qui sera d'ailleurs avec nous, hein, sera à Starfloor. Ce sera samedi soir sur Fun Radio, en direct à Paris, donc en direct depuis Paris. Et puis il sera diffusé aussi sur WNF et sur M6, on aura l'occasion de vous en reparler. Et puis la chanson de Redfoo qui a été faite dédicace à Toff, bien sûr, hein, Let's Get Ridiculous. Oui, c'est mon morceau. Voilà, et puis on écoutera aussi le son préféré de Polo, Lady Gaga. C'est vrai. Avec Do What You Want. Do What You Want. Do What You Want. Et il y a Dédé aussi qui a envoyé un message qui dit j'espère que la nana qui va recevoir la pluie de Toff est mignonne. Sinon il n'a rien compris. Ouais, mais il n'a rien compris, Dédé. Et Megumi qui dit Toff ne fait pas croire monts et merveilles puisqu'il demande à des filles des gâteries dans les chiottes. Non mais t'inquiète pas, il y en a certaines où c'est des trucs dans les chiottes et d'autres c'est monts et merveilles. Hein. De toute façon c'est de la merde, hein, comme disait le mec dans Confession Intime. Hein. Mont et merveille. Oui. Mont et merveille. Et Stéphanie, j'ai même pas eu de peluche, je suis déçu. Bah peut-être qu'elle a pas été livrée encore, hein, faut voir. Et Let's Be Freaks qui est de retour. Elle est toujours dans le bureau, longtemps. J'ai cru qu'elle était décédée à un moment. Let's Be Freaks, il dit pour moi la peluche avec l'odeur de Toff. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Il sent rien en plus. Ça dépend. Il pue des fois, c'est ça que je veux dire. Et Ludwig qui dit même au Canada, les radios sont de la merde. Heureusement qu'il y a quelque chose de bien sur Fun Radio. Merci Ludwig, c'est gentil. Et puis Raoult qui dit moi je fumais des pêtes avec mon pion. Et en col, il nous apprenait à faire des. Ça. Des sarbacanes. Oh, sympa le prof, c'est cool ça. Et It's My Birthday qui dit j'attends toujours mon message anniversaire. Tu l'as pas encore eu, attends, on va te le mettre. Ah merde, c'est quoi? Voilà. Bon anniversaire, It's My Birthday. Happy birthday. C'est Tristan. Ah, on sentait Sandro dans le rythme. Hein. Voilà. Allez, bon anniversaire donc. Et puis Sarah aussi, toujours une si belle voix. Ça s'entend pas trop que t'es malade, je t'adore Mika. Merci, c'est gentil, bah pourtant j'ai une bronchite, hein. Et message aussi qui est arrivé Sandro doit pas sucer souvent. Ouais, vu qu'elle a pas de mec. Ah oui, c'est vrai, ça paraît compliqué là en ce moment. Ah ouais, mais t'aimes bien ou t'aimes pas toi, ou tu t'en fous? De quoi? Bah sucer. Ça dépend. Quand j'ai envie, si c'est ça que tu veux savoir. Mais tu fais par plaisir ou tu fais pour faire plaisir? Non, si je le fais, c'est par plaisir et par envie. D'accord. Parce que de toute façon, je pense que quand t'as pas envie, ça peut pas être bien fait. Ah oui, non, mais ça c'est une certitude. Hein. Ouais. Surtout si vous mettez les dents, les filles. Faut pas mettre les dents. Et Nicolas qui dit salut à tous, trop excellent ce que vous faites. Continuez, merci beaucoup. Bah merci Nicolas, merci à vous tous pour tous vos messages. Vous envoyez tous vos messages évidemment sur le Twitter, hashtag Mickaël. Sur le Facebook également, vous nous rejoignez en tapant Mickaël officiel ou alors au standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous êtes évidemment les bienvenus. On fait encore un petit appel d'off. Mais allons-y avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors, on va appeler tout de suite. On va à Marseille. Mais oui, on va parler également des punitions encore en speed avec Gabriel dans quelques minutes là. T'es là Gabriel? Ouais, ouais, ouais. Très bien, encore une punition, on en parle après le petit appel de Toff. Ça va, pas de soucis. Bon, puisqu'on l'avait demandé tout à l'heure, hein, il y a le magazine Elle qui nous a dit que apparemment le fait de sucer son mec faisait que le couple perdurait plus longtemps. Écoute. Bah écoute, donc on l'appelle depuis tout à l'heure. Hein, plein s'ils de gens... le disent. Bah s'ils le disent. Plein de gens ont déjà balancé des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci qui sont plutôt du style à s'énerver rapidement. Et des gens voulaient qu'on l'appelle à Marseille. Eh bah écoute, on va appeler. Alors je sais pas si c'est celui à Marseille, mais enfin, tôt, quand qu'il arrive, on l'appelle. Bouge pas, Gabriel. Hein. Ça va. Et on aura Gilou juste après le retour. Ah. Il attend là. Ah bah il va venir. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelais pour savoir si vous étiez régulièrement sucé par votre femme. Écoutez, ça fait plusieurs fois que vous m'appelez, monsieur. Ah bon ? Je ne sais pas qui vous êtes. Oui. Je ne sais pas, mais je vais faire le nécessaire pour le savoir. Et vous m'avez déjà appelé il y a quelques semaines à 23h. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de ma famille qui voulait m'emmerder ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, ne recommencez pas parce que je vais pousser plus loin les investigations. Mais je vous assure. Je pense, monsieur, qu'il doit y avoir erreur sur la personne. Si c'est ça. Non, écoutez, je vous assure, je vais pousser loin les investigations parce que les petits connards de votre espèce qui emmerdent le monde à cette heure-là, j'ai des enfants qui dorment. Je vais m'en occuper, je vous assure, mais je vais vous faire ça aux petits oignons, monsieur. Bah, d'accord. Attendez, monsieur, moi je vous appelle pour vous rendre service et vous le prenez comme ça. Non, je prends pas comme ça, je dis vous êtes un petit connard, d'accord. Vous avez certainement pas grand chose à branler de votre journée, la preuve. Et je vous assure que je vais m'occuper de vous. Alors allez vous faire enculer le plus profondément possible. Et je vous assure, ne recommencez pas, ne vous avisez pas de recommencer parce que je vais être un bon client pour vous et je vais vous soigner, monsieur. Alors au revoir et allez vous faire enculer profondément. Monsieur, toutes ces vulgarités. Il est raccroché, ouais. Oh putain, il était bon lui. Petit oignon. Mais attention, cordial. Ah oui, non, bah oh là là, on était au sommet pas... de la cordialité. Ah, il s'est pas énervé le monsieur. Hein. Bon, on n'était pas à Marseille apparemment, c'est dommage, non, mais c'est pas grave. Dommage. D'autres numéros à Marseille, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on l'appelle là-bas. Bon, on va le rappeler, hein, puisqu'il nous a dit qu'il fallait pas l'appeler, donc vous savez bien comment on est. Hein. On est comme les femmes, nous. Quand on dit non, c'est qu'on dit oui. Allez. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous êtes quand même très vulgaire. Je vous emmerde, monsieur. Vous arrêtez de téléphoner parce que je porte plainte. Je vous assure, arrêtez de téléphoner, je porte plainte. Bah, attendez, merci. Monsieur, moi je vous appelle gentiment, je vous parle gentiment et vous m'insultez. Ça se fait pas ? Ouais, mais je crois qu'il a raccroché. Allô ? Ouais. Non, il a raccroché. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je suis déçu. Bon, peut-être que le prochain ce sera. Peut-être que le prochain sera Marseille. Ah bah allons-y, bah, oui. On verra. Bon, retour avec Gabriel. C'est quoi ta pire punition, toi, Gab ? Bah moi, alors en fait j'en ai eu deux. Ouais. J'en ai eu une quand j'étais au collège, je devais avoir quoi, 12-13 ans. Ouais. J'ai eu une punition, en fait, j'ai pris 1800 lignes. Ah oui. Et tous les jours, au lieu d'aller en cours de cette matière-là, c'était maths, au lieu d'aller en cours, j'étais obligé d'aller dans le bureau du directeur faire des lignes. Oh putain, mais pourquoi t'as fait quoi ? J'ai envoyé une grosse pierre dans le cul du prof avec un lance. Ah oui, bah, tu t'étonnes. C'est bien fait pour ta gueule. Au tableau. Je sais pas comment il a su que c'était moi. Franchement, bah, tu t'es fait balancer. Je préfère aller faire des lignes chez le... Non, il s'est retourné, il a dit Gabriel, dehors. Ah bah c'est qu'il avait un miroir ou qu'il avait vu le... ou qu'il avait vu le truc et qu'il savait que ça allait arriver, quoi. Bah oui. Bah non, mais j'imagine, ouais, t'as à dire sans drôle. Pour éviter des maths, franchement, j'aurais préféré aller faire des lignes dans le bureau. Hein. Ouais, mais franchement, sur la ouais, fin, c'est fou le moment. Non, mais c'est clair. Bon, bah très bien. Et d'autres. J'en avais une deuxième aussi. Ouais, vas-y. J'avais tapé un pote, on peut dire ça comme ça. Je l'avais tapé, mais en cours. Et j'ai pris une semaine, j'ai été viré de cours. Ouais. Et j'ai eu 14 heures de colle. 14 heures de cours, oh là, de colle pardon, oh putain heures. Quelle violence. Un an de colle. Et ouais. Des lignes aussi. Hein. Putain, ah bah c'est bon toi, t'es musclé de, ouais, t'es musclé là, du poignet bien, toi. Ouais, j'ai une grosse main. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah bah, mais non, la branlette ça va tout seul. Hein. Ah bah directement, bien ouais, sûr. Ouais. Ça, okay. Bon bah Gabriel, bah merci d'être passé en tout cas. Hein. Ça va, y'a pas de soucis. Et reviens quand tu veux Gabriel, à bientôt. Une petite dédicace. Allez vas-y, y'a une seule personne, ouais, vas-y. Dédicace à Mélo. D'accord, message passé, sans problème. Voilà, ça va. Salut. Allez, à toi, à bientôt ciao. Gab, ciao. Bon, ah putain, il fallait que je vous raconte. Ah, je suis tombé sur un gros connard ce midi. Alors si vous voulez, je vous explique. Je vais dans un centre commercial chercher mes médocs là. Ouais. Et donc si tu veux, il y a un moment, je vais enlever la musique parce qu'elle me stresse. Il y a un moment, je rentre donc pour rentrer dans le parking du centre commercial. Si vous voulez, il y a une grande avenue. Ouais. Donc je me mets sur la bande pour tourner. Donc je fais la file parce que c'est embouteillé évidemment, ça va saouler. Et puis au moment où c'est mon tour, il y a un espèce de gros con, mais je dis gros parce qu'il était vraiment gros, il était vieux avec mes mères à côté là, mais t'sais, il était vraiment tout. Tout gros quoi, tu vois. Bon bref, peu importe, c'est même pas ça le problème. Il arrive avec sa Mercedes rouge, c'est une vieille Mercedes des années, je sais pas, 90. Ouais. Il arrive, il se met à côté de moi et il essaie de passer devant. Alors je dis, toi mec, alors là, mec, t'es mal tombé aujourd'hui. Hein. Parce que j'ai peut-être une tête de merde aujourd'hui à cause de la bronchite et tout et j'ai pas bien dormi. Mais toi, tu vas prendre cher. Le mec, il essaye de passer, il a failli se prendre un camion qui arrivait en sens inverse pour passer devant. C'est fou ça. Je démarre bien sûr pour lui faire la misère. Il commence à s'exciter, il me fait un doigt. Je fais, mais il est pas bien lui. Je m'arrête, je dis, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Avance. Et puis tu sais, je commence à tourner dans le parking et je vois que le mec me suit. Donc c'est je tourne, et je retourne. Et tu sais, maman, il se fout de, rendu compte que je me foutais de sa gueule, tu vois, parce qu'il y a maman, il y avait des places partout. Ouais. Et tu sais, je fais le tour du parking, puis je fais marche arrière, je reviens. Et le mec, il continue à me suivre jusqu'à ce qu'il me dépasse et qu'il me coupe la route. Je fais, ah bah très bien, bah alors viens maintenant. Il arrive et il commence à me faire des signes. Je fais, c'est quoi ton problème? Tu sais, pas rouler, espèce de trou du cul, va. Et puis il s'en va. Avec mes mères, quelle tête de con! Il avait une tête de con en plus! Oh là là. Mais un truc! Oh là là là là là là! D'une violence! J'ai l'impression que c'était Toff, mais en gros! Non mais sérieux, c'était un truc. Non parce que Toff il aurait pas fait ça, il serait barré Toff. Ouais moi foutre, je t'aurais laissé tourner dans ton parking tout seul. Mais non mais moi j'ai tourné parce que je savais qu'il était derrière moi. Enfin je le voyais derrière moi. Et tu sais à un moment je pensais qu'il prenait le même chemin que moi jusqu'à ce que je tourne en rond trois fois et que le mec à un moment je me dis bon bah le mec il me suit. Il va me faire quoi? Il va falloir 3 heures pour qu'il sorte de la voiture. Ah il avait une tête, Polo, tu l'aurais vu, tu l'aurais. Oh là là, Polo il serait descendu, il aurait fait baisser ton carreau, il aurait une patate et puis il serait parti. Ah non mais moi il y a des trucs comme ça. Tout ça m'insupporte. Ah mais tout t'insupporte. Mais non, j'allais lui demander d'ailleurs s'il y a des trucs qui l'énervaient pas, mais moi la vie tout l'énerve. Le seul truc que tu peux demander à Polo, c'est qu'est-ce qui ne l'énerve pas. Oui voilà c'est ça. Il y a des trucs qui t'énervent pas ou pas? Des jolies filles. Ah, oui voilà. Encore. Non mais. Il y en a qui doivent t'énerver aussi. Hein. Il y a un moment donné, tu peux pas, il y a des choses, il y a du respect et tu t'es obligé d'avoir une espèce de. Comment dirais-je? D'échange de politesse, tu vois, je veux dire. Ah bah là, il était très poli, hein, entre les doigts et tout. Ah ça s'est très très bien passé. C'est insupportable ça. Ah bah ouais, il y a des trucs qui t'énervent, toi t'es dit ou pas? Moi? Ouais, est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent vraiment, tu sais, qui te mettent la rage? Des trucs que les gens font ou des trucs qui se passent dans la vie et qui te rendent ouf? Ouais, il y a des petits bruits très énervants. Genre? Bah, la craie du prof là qui fait. Ah ouais. Ah, c'était horrible. Ah, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est quand Polo est en train de bouffer. T'as l'impression qu'il est en train de boire une soupe alors qu'il mange du riz ou que. Mais tu sais, en fait, il met pas la fourchette dans la bouche, il la met devant et puis. Mais pas il aspire tout, tu vois. Et il mange à une vitesse, t'as l'impression qu'il a peur qu'on lui vole dans son assiette. C'est qu'on lui pique son assiette, quoi. C'est bon, on se calme, tout va bien. Ouais. Ah, ça peut m'énerver aussi, toi. Mais oui, je c'est mange ça. Proprement, moi, monsieur. Ouais, bah, proprement, bah, bien sûr. Bon, bah, dites-nous, vous, s'il y a des trucs qui vous énervent, là. Venez nous en parler, on est là jusqu'à 2h ce soir, comme d'habitude tous les soirs d'ailleurs. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Dites-nous si les trucs qui vous énervent chez vous, chez je sais pas moi, chez des amis, chez des profs, chez des parents, bref, n'importe quoi dans l'absolu. On en parle après le son de Dab, ce qu'on écoute maintenant sur Fun, c'est Tsunami, on est là jusqu'à 2h, bienvenue. Dubs sur Fun Radio, c'était Tsunami, bienvenue tout le monde. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct comme tous les soirs sur Fun Radio, venez nous rejoindre. Si vous venez de débarquer, vous êtes les bienvenus, il est 1h20. Il y a Sayeroka qui dit, je confirme, au volant on peut devenir aigri, mais c'est impressionnant quand même. Ah ouais, mais alors au volant, comment vous expliquer? Je suis d'un naturel relativement calme, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui savent pas rouler, qui changent comme ça, sans mettre de clignotant ni rien. Et alors ce qui m'énerve encore plus, c'est ces putains de scooters ou des motos, c'est qu'ils s'approprient la bande qui n'existe pas. Tu vois, la ligne, ouais. Les petites lignes blanches. Et qui se disent, hop, ça, c'est la bande moto. J'ai décidé que. Donc voilà. Mais en plus, c'est super dangereux pour vous. C'est-à-dire que les motards, putain, vous êtes. Il y en a qui se rendent pas compte. Ils sont tellement persuadés que c'est une bande qui est officielle pour eux. Qui passent, mais comme des bourrins. Et c'est parfois des gens qui, effectivement, font pas attention et qui sont torts. Mais et du coup, qui switch. Et les mecs risquent leur vie, mais pour rien, quoi. Ah oui, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est quand tu mets ton clignotant, que tu vois que tu t'engages, mais que le mec, il force quand même. Ah ouais, et qui claque. Et après, il t'engueule comme si. Non, mec, en fait. C'est pas ta place, ça, si voilà, tu veux. Donc, c'est pas à toi être là. Voilà. Angela qui dit, Mickaël, moi, ce qui m'énerve en cours, c'est quand le prof te dit, pose ton carnet sur la table, alors que tu sais qu'il va te le prendre. C'est pas faux, ouais. Au lieu de le dire, donne-moi directement. Il y a Row aussi qui dit, le plus énervant, c'est les mecs qui mentent, mais à la limite du possible. Ah, tu es sorti avec Toff, maman. Benjamin qui dit, le bruit de la frigolite, je déteste ça. Ah oui, comment vous appelez ça en France, la frigolite, c'est quoi? Le polystyrène. Le polystyrène, ouais. Ah oui, c'est une horreur, ça fait un espèce de bruit strident comme ça. Félicia qui dit, moi, j'adore Toff quand il dit, mais je vois pas le rapport, monsieur. Mais ça ne répond pas à ma question. Oui, ça, c'est dans les appels. On va en refaire dans quelques minutes. Et alors, message aussi, c'est pas faux. Megumi qui dit, c'est pas faux pour la pipe. C'est ce que je préfère et j'ai jamais gardé de mec grâce à ça. Bon, et alors, message aussi qui est arrivé de Stéphanini qui dit « Moi, je vais faire un tour en mobylette ». Bah, ça, c'est Toff qui doit voir après. Hein, si, Mais oui, avec plaisir, Stéphanini. Ouais, Stéphanini, tour en mobylette. Oui, quand elle veut. Bah, écoute, alors, en l'occurrence, elle en voulait un. Donc, maintenant qu'on l'a réparé, la mobylette, c'est bon, on peut en faire un petit coup. On peut en faire un petit coup. Elle sort du garagiste, hein, mais comme tous les garagistes sont des escrocs, ça a coûté une blinde pour rien. Puisque, bon, maintenant, elle va mieux, mais voilà. Voilà, petit tour en mob, ça fait toujours du bien par où ça passe. On parlait de ce qui vous énerve au plus haut point. Donc venez nous en parler, il y a un truc qui t'énerve, Sandro, ou pas toi? Les mecs qui sont comptés, qui lâchent pas l'affaire. Ah, les mecs qui... Oui, avec qui tu peux pas discuter en fait. Tu parles qui sont bornés, tu vois. Tu parles du stagiaire de Dario? Ouais, non, pas du tout. Je rappelle, est au cul de Sandro depuis la rentrée, mais... Non, il m'a dit c'est bon. Et il a lâché l'affaire? Ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, il y a Cathy qu'on va prendre dans quelques minutes là. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Cathy de Brest. Oui, c'est ça. Bon, en forme? Ça va, ça va. Bon, tranquille. On va appeler Gilou dans quelques minutes là, hein. On va lui demander ce qui l'énerve aussi. Tu connais Gilou, dis-moi? Non. Tu connais pas Gilou? Je connais pas Gilou. On l'a eu la semaine dernière, c'est lui Gilou. Oui, je me rappelle. Ah, tu vois. Oh, écoute, écoute. Voilà. Avec les histoires. Il était en pleine forme. Il n'y a pas de verre au cul, non? Ah bah non. Tu aimes le sperme? Mais oui. Oh, arrête de me faire manger. Voilà, donc on va prendre dans quelques minutes. Bon, Cathy, qu'est-ce qui t'énerve, toi, dis-moi? Les hommes qui grincent les dents quand ils dorment. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Ah ouais, wow. C'est pas mal. Moi, c'est plutôt ceux qui ronflent. On a eu le cas parce qu'on est parti à Londres ce week-end, donc, encore une fois. Et donc, on a dû dormir, contraint et forcé par souci d'économie. Enfin, j'ai dû dormir avec Toff et Polo. Et à première nuit, c'est plutôt bien passé. Deuxième nuit, comment vous expliquer que c'était... J'ai cru que c'était la fin du monde. Non, sérieux, hein. J'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai gueulé sur Polo. Sauf pour me rendre compte au final que c'était en fait Toff qui était le coupable et pas Polo. Qui roulait comme un porc, il roulait. Ronflait, mais il comme ronflait, d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, Polo peut l'imiter. Hein. Non, je savais pas le faire là. Allez, attends, tu l'as fait là. De quoi? L'imiter Toff quand il ronflait là. Attends. Attends, concentration. C'était une horreur. Et en plus, je sais pas si t'as ça, Cathy, mais tu sais, quand je dors, il y a des trucs comme ça. Bon, déjà, il y a des bruits, même quand je suis réveillé, qui m'horripilent. Genre, effectivement, les ronflements, les chuchotements. Ça, c'est un truc qui peut me rendre ouf. C'est quand je suis dans une salle d'attente et j'entends des mecs qui sont en train de dire. Ah, ça me rend ouf. Ou alors, les bruits de bouche. Ah ouais? Les bruits de bouche, ça me rend ouf. Tu sais, quand quelqu'un mange. Ah ouais, ça, c'est désagréable. Ah, ça aussi ça me rend dingue. Et alors il y a le ronflement, ça aussi c'est un truc de dingue. Mais franchement la nuit ça peut je peux être vénère. Ah ça ouais, peut... ça tu sens comme si t'avais une espèce de casserole sur la tête, tu sais, où t'as tout qui est chaud là. Tu sens que ça te rend dingue. Une casserole sur la tête. Ouais, mais tu sais, comme si t'avais une casserole sur la tête avec de l'eau chaude et que tu sens que ça monte, ça t'énerve. Ça rend dingue, t'as envie de frapper. Ah ouais. T'as envie de frapper. Un jour, on dormait avec un autre pote avec Toff qui ronflait aussi. Oh. J'arrêtais pas de gueuler. Ça, et alors, ça se calmait et du coup, t'essayes de te rendormir vite fait avant que ça ronfle. Ouais. Mais t'y arrives pas parce que t'es tellement en train de penser à ça que t'arrives pas à dormir. J'ai pris une chaussure, je lui ai envoyé en pleine gueule. Ouais, mais toi, t'es sans pitié. Ah ouais, en pleine gueule. Oh putain, c'est horrible. Tu sais que quand je dormais, parce qu'on dormait dans deux lits séparés, heureusement, avec Toff et Polo ce week-end, et donc il dormait dans le lit à côté. Ça ronflait, hein. Je rêvais d'avoir un bâton, je te jure. Si j'avais eu un bâton, je l'aurais pété la gueule, mais j'aurais tapé dessus, mais de toutes mes forces. Moralité, dormez pas avec moi. Ouais, non, si mais vous ronflez. Mais en fait, le problème de Mickaël, c'est que le moindre bruit, ça le réveille, quoi. Ah ouais, mais il y a une mouche dans la pièce d'à côté, je suis réveillé. Oh là là. Je vais me calmer parce que ça va me rendre fou oui, ce soir. Tu vas t'énerver tout seul pour rien là, c'est toi qui annonces ça. Pour peu, il y a un mec qui va faire un peu de bruit dans l'appart à côté de chez lui, c'est-à-dire qu'il va aller le défoncer quoi. Non, parce que je frappe pas, je suis pas comme ça. Non, il y a pas de problème. Mais c'est juste que ça me ronge de l'intérieur, je deviens ouf. C'est quoi, ça ronfle? Ah, ça me rend hystérique. Donc voilà, donc si vous avez des trucs qui vous énervent comme ça, n'hésitez pas, il y a pas de problème. Alors que tu sais comme ça parfois quand j'aurai quelqu'un qui respire fort. Ça me rend ouf parce que moi je respire pas fort, tu vois, on m'entend pas. Ouais. Je suis là, je suis invisible. Non mais c'est vrai, je suis invisible et personne n'entend rien. Donc du coup, je peux pas concevoir quelqu'un qui fasse un bruit de fou. C'est pas de sa faute. Hein. Non mais je sais que c'est pas sa faute, mais ça me rend fou quand même. Parce que moi quand je respire, je fais. Tu vois, on entend quasiment rien quoi. C'est comme ces deux gros porcs là, de polo et toff là le matin. Hop, c'est le concerto du Pay ou du Rond quoi. Tu vois. Alors que je peux pas concevoir chez moi quoi. C'est dégueulasse. Si je pète ou si je rote, ça m'arrive, mais je le fais discrètement. Mais tu fais discrètement. Ouais, mais tu fais pas devant tout le monde comme ça dans le bureau quoi. Bien sûr, faut péter sur les gens même. Mais non, mais pas faire. Mais si, mais si. Ou un. Tu vas aux chiottes. Mais je vois pas quoi le problème. Et alors, mais genre, vous pétez pas, vous rotez pas, vous. Si, si, mais moi quand je rote, ça fait. Je le fais et je sens arriver et je fais. Mais hop là. Non, c'est mais le sérieux, genre il est élégant dans l'euro. Mais oui. Non, ce qu'il faut expliquer, c'est la technique de Polo pour se dédouaner du paix ou du ro. C'est que il se met de manière à ce que tu vois, en fait, il y a personne qui puisse le capter. Il pète un truc violent et après il fait putain tof. Ah ouais, bah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il accuse les autres. Bon, Cathy, tu ronfles toi ou pas? Non. C'est tellement non. Bon, moi, de bons souvenirs. Ah toi tu parles. Ah bah d'accord, bah l'autre chose. C'est pire. Hey, je préfère quelqu'un qui ronfle que quelqu'un qui parle. Ah non, c'est moi pas. Moi c'est le bruit qui m'horripile. Mais faut que j'explique. Tu es l'homme truc, parfait toi. Bah et mais c'est oui. Michael, c'est bah, exactement. Oui. C'est ça, the perfect man, motherfucker. Et on était parti faire l'émission je sais plus où et donc on dormait pareil dans la même chambre. Et un des mecs avec qui on bossait à l'époque, il se lève et genre il part pour aller faire l'émission, il ouvre la porte, il gueule un truc dans le couloir et puis il retourne se coucher. Quel parbe. Non mais encore ça tu vois c'est rigolo mais quand c'est un truc sur le long terme, putain. Je peux mieux dormir toute seule. Ah ouais, je peux devenir mais complètement hystérique, c'est un truc de dingue. Enfin bon. Bah écoute, merci Cathy en tout cas. Je peux avoir un cadeau? Ma main sur ta gueule? Non, je plaisante. Cathy, c'est pour rire. On va t'envoyer un pack fun, t'inquiète pas, y a pas de souci. Ok, merci. Salut Cathy, à bientôt. Salut. Allez, ciao. Ah, Gilou. Oui. Hey, comment ça va? Ah ben, je m'emmerde, moi, là. Bah, comment ça se fait? Ah ben, heureusement que je dis bonjour au père de mes enfants, hein. exactement, oui. T'habites, quoi. Mais oui, bien sûr. Bon, justement, hey, Gilou, on cherchait les petits noms tout à l'heure. Mais oui, c'est ça, ouais. Tu l'appelles comment, t'habites, toi? Bébert. Comment? Bébert. Oh, Bébert, oui. Ben pourquoi? Et puis la tête, elle a un copain, elle l'appelle mon pote. Ton pote? Oui, bah pourquoi pas. Mais pourquoi Bébert? Bah Bébert parce que c'est Bébert. D'accord. T'es toujours à la recherche de meuf, dis-moi Gilou. Ah, toujours, oui. Bah toujours parce qu'il y a Stéphanie qui voulait te présenter, qui voulait se présenter à toi. Celle de Brest, là? Non, pas du tout, elle est du Val d'Oise. Oh ben, oh putain, mieux, mais comme toi, mec. Eh, en plus, c'est au même endroit que toi, c'est la folie, ça. Ça fait rien. Ben oui, toi, t'es dans le Val d'Oise, à Éragny-sur-Oise, et il est à Saint-Ouen, Saint-Ouen-l'Aumône. Ah oh ben, c'est à côté. Je... Eh ben, c'est... Eh ben, bah, voilà. Eh ben, très bien. Eh, Stéphanie. Bonsoir. Ça va bien, Steph? Ça va, et vous? Ben, tranquille, tu voulais rencontrer Gilou, toi? Ah ouais, il m'excite à mort. Non. Alors, Gilou, Stéphanie, Gilou, hein, voilà, les présentations sont faites. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Comment allez-vous bien? Ben ça va alors. On va les laisser parler. Vous cherchez un mari bien, donc. De quoi? Vous cherchez un mari? Non, c'est juste un amant. Un amant? Ah ben moi je peux faire la paix, hein. Ouais, mais faut avoir quelque chose entre les pattes, hein. Ah ben j'ai tout ce qu'il faut, ma poule, hein. Ouais, combien de centimètres? Je vais pas me gober 14-15, hein. Ah mais ça va pas être assez. Hein? Ça va pas être assez, hein. Je vais être un rallonge. Ah si, sans déconner, j'en ai, hein. J'ai une rallonge, j'ai une tête en plastique. Hein, c'est pareil que ça fait 3-4 cm de plus. Et tu mets la capote là-dessus et puis roule ma poule, hein. Ah bah roule ma poule alors. Ah bah si, hein. Tu le rallonges. Pour faire la pipe, bah, on le retire, quoi, forcément. Ah oui, bah oui, forcément. C'est pas agréable sinon. Hein. Ah bah non, attends. Sinon on peut en prendre une en latex. Hein. Ah bah oui, si ça satisfait pas, autant prendre un. Ah bah ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire dans l'amour? Pardon? Qu'est-ce que tu aimes faire en amour? Ah mais moi j'aime tout, moi. Tu aimes tout? Ouais. Et les bonhommes, t'aimes bien les grands, les petits, les moyens? Ah peu importe. Je te ramènerai une autre femme aussi avec. De quoi? Je ramènerai une autre femme avec aussi. Ah ben, c'est vrai? Et puis, il a tiré le gros lot, la Gilou. C'est bien, deux femmes et un homme, hein. Ah oui. Ah ouais. Ah ben là, tu viens à la maison, on va se faire la gueule, non? Il faut assurer aussi derrière. Hein? Il faut assurer derrière aussi, hein. Ah ben, il faut assurer, bien sûr. Hein. Oh, oh là, les puissances. Ah, on va sortir les chevaux. Hein. Sortir les chevaux. Ah, j'ai compris les chevaux. Minimum, hein, 2-3. Tu veux 2-3 mecs? Non, 2-3 chevaux. Ah non, 2-3 chevaux, mais oui, oui, c'est sûr. Hein. Non, non, mais t'inquiète pas, il y aura ce qu'il y a. Hein. Il y aura ce qu'il y a, ça a l'envie, tiens. On peut le trouver. Hein. Non, pas un mec de plus, des femmes en plus, oui. Non, mais d'accord. Hein. Non, on peut faire un jour. T'es où exactement, Saint-Ouen? Bah, je suis dans Saint-Ouen-le-Monde. Ouais, j'ai pas donné mon adresse, là, comme ça va pas ou quoi? Ah bah non, il faut pas donner l'adresse. Mais qu'est-ce que tu lui ferais, Gilou, toi? Qu'est-ce que t'aimes bien faire, toi? Oh, moi, je fais tout, tu sais, à mon âge. Hein. Toi, t'es open, toi, t'as été un professionnel. Ah, je suis pas pro, mais... Mais est-ce que t'es retraité ou pas encore? Sexuellement ouais. parlant. Ouais. Ah, sexuellement parlant, t'es retraité? Je suis retraité avec 3,5 millions de kilomètres. Ah, merde, ouais, il y a peut-être un peu trop de kilomètres au compteur, alors... Non, oui, mais... C'est encore le seul truc qui marche bien. Ah bon, ben d'accord, ben nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. Ah ouais. Bon, écoute, alors... avec une bonne canne à pêche, hein. Ah, merci. Un bon lancer, encore. Bon, mais tu sais même pas à quoi elle ressemble, Stéphanie. Ça se trouve, elle va pas te plaire, Gilou. Oh, fou, ben Gilou. Moi, je suis pas fier, et puis... Tu sais, c'est pas les plus belles qui font l'amour, et c'est pas les plus moches non plus, hein. Mais donc, c'est une réponse qui ne sert à rien. T'as été politicien à l'époque, ou pas, non? Hein? T'as été politicien? Délégué syndical. Non. Si moi j'étais politicien? Ouais. Ah non, bah d'accord, non, c'était pour savoir, très bien. Ah bon. Non. Bon, alors t'es intéressé par Stéphanie ou tu veux une autre? Ah ben je sais pas, non, je vais prendre Stéphanie, moi, si elle veut. Elle a 47 ans, non? Ah non, elle a pas 47 ans, non. Ah non, on se croit pas, non. Ah non, elle a 31, c'est une jeunette. Ah ben ça va. Bah t'aimes bien les jeunettes? Ah ben j'adore les jeunes, attends. Hein. En plus, moi j'ai fait du solfège et tout, j'ai appris... J'étais professeur. Hein. Ah, si tu fais du solvège, alors effectivement, tu peux attirer les jeunes. Hein. Je vais apprendre le Dorémo la Sido. Dorémo la Sido. Dorémo la Sido, ouais. Oui, parce qu'il y a deux dos hein, dedans, c'est bien connu. Hein, effectivement. Non, bah très bien. Non, mais très bien. Une petite histoire, là. Comment? Une petite histoire, là. Quelle histoire? Tu sais pourquoi que les Portugais, ils ont du poil aux pattes? Alors attention, Gilou, avec les Portugais, je peux très mal le vivre. N'oublie pas que je suis portugais. Non, mais je m'en fous, je parle de la femme, monsieur. Oui, bon, enfin, peu importe. C'est bon, pas vas-y. Méchant, en plus. Bon, vas-y. Pourquoi qu'ils ont du poil sous les pattes? Sous Dis-moi. Les doigts-pieds. Dis-moi. C'est pour faire le ménage en dessous les meubles. C'est nul, Gilou. Oh, Gilou. Oui. C'est nul. Tu n'as pas été mauvais, tu étais très mauvais, Gilou. Non. Bon, Gilou. Eh. Ouais. Un pisseur qui pissait devant la porte d'un tapisseur qui tapissait. Le tapisseur qui tapissait dit au pisseur qui pissait devant la porte du tapisseur qui tapissait qu'il était interdit de pisser devant la porte d'un tapisseur qui tapissait. Bravo. Voilà. Waouh, je reste bouche bée. Non. Ah si, je reste bouche bée. Et je pense que tu as séduit Stéphanie grâce à ça, Gilou. Ah, totalement, ouais. Complètement. En plus, avec le solfège, il va pouvoir lui jouer toute la gamme. Donc, oui, et bah, tout à fait. Et elle s'offre à toi, Gilou. Hein? Elle s'offre à toi. Ah, ben moi, je veux bien, moi. Ah, bah, j'imagine. Demande-lui quand est-ce qu'on peut l'avoir. Eh ben, bah, demande-lui, elle est encore là. Mais qu'est-ce que tu lui ferais? Il faut lui donner envie, là. Pour l'instant, elle n'a pas envie. Ah, ben, je lui donne à manger, je lui donne à boire. Mais tu vois la Il faut la chauffer avant, hein. Bah oui, mais il faut la chauffer, mais justement, mais là on a rien, là, elle a aucune idée de ce qui va lui arriver, là. Ah ben c'est pas loin, elle prend sa brosse à dents, elle vient à la maison, là. Mais quel rapport avec la brosse à dents, Gilou? C'est pour nettoyer l'intérieur avant. Oh, super. Elle vient, il y a la touche, il y a tout, là. Non, mais tu la touches, ouais, bah non, bah d'accord, ok, mais qu'est-ce que tu lui ferais? Il faut lui donner un petit peu envie, il faut faire un petit peu chauffer le moteur. Ah ben, bien sûr que oui, hein. On va faire des bisous tout partout, hein. Ah ouais. Ah ben tiens. Ça donne envie, Stéphanie, ou pas? Il faudra y aller un peu plus, quand même. Ah, il faudra un peu plus, Gilou, là. Ah ben, moi, je suis prêt à faire ce qu'elle veut, hein. Mais qu'est-ce que t'aimes bien faire? C'est quoi ton truc préféré? Ah ben, moi, c'est l'amour, c'est d'abord les caresses, hein. Les caresses? Ah, les caresses, devant, derrière, et tout. Et dans les préliminaires, t'aimes quoi, Gilou? Ah, le clitoris, tout ça, le travail de sein, la poitrine. Le travail de sein? Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Il y en a qui sont taillés comme des églises. Ouais. Ils sont taillés comme des églises. Eh si, ils ont les seins à l'intérieur. Ouais. Alors il faut les sortir, donc c'est du boulot, tout ça il faut masser et tout, ça représente des heures de travail. Ah ouais, tu factures combien? Hein? Tu factures combien? Oh non, ben on, là dans ce cas-là on s'arrange. Hein. Ah on et s'arrange, ouais. Tu travailles au noir quoi? Non, puis encore moi je travaille à 60 jours hein, ou 90 jours. Hein. Ah d'accord, ok, bah ouais, oui, oui, je comprends. Ils ont le temps. Hein. D'accord, d'accord, donc alors du coup donc toi tu fais ça, alors tu tailles. Ah, moi j'aime bien sucer les clitoris, je passerai des heures là-dessus moi. Ah tu passes des heures là-dessus, bah c'est bien, ah, il y a des filles qui aiment bien. Hein. Oh, bah tant mieux, tu vois Stéphanie, c'est bien. Ah ouais. T'es bien tombé. Bah voilà, c'est ça. Et si elle me donne à boire au fur et à mesure, hein, je vais même pas me bouger, bah, je peux faire 5-6 heures. À 5-6 heures de cuny, waouh. Ah ben moi si elle me donne à boire, ça me fait pipi dans la bouche. Oh, oh non, moi j'étais encore dans le monde des bisous, je me dis bah, genre il va donner un poire. Oh, hein. Dégueulasse. Gilou. Un peu se laisser aller hein. Ah oh, non mais je veux pas. Ah bah je suis refroidi là. Ah ah ça va. Ça évite de boire une bière hein. Ah non, bon, Gilou. Et t'as même pas bougé de place comme ça. Oui, bah ça va aller, oui. Et bon. Le tonneau, il est juste là. Oui, oui, c'est très bien, Gilou. Ah merci, quelle horreur. Merci, merci. Ah, j'imagine, c'est dégueulasse. Non, non, non. Si, si, si, si, ah, c'est dégueulasse, Gilou. Non, non, mais non. Ah si, c'est dégueulasse. Oh, parce que tu l'as jamais fait. Non, bah, c'est normal. Les trucs comme ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Bon, bah, Gilou. Oui. On va te passer Stéphanie Orantène, elle va kiffer. Ouais, c'est à eux. Voilà. Vous échangerez vos numéros, vous appellerez. Ben oui. Non mais je suis refroidi là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon ben Gilou, on sait jamais, hein. Bah bonne chance. Hein. Ah ben laisse pas son numéro là, toi. Oui, bah attends, on va lui donner ton numéro et elle te rappellera si elle veut. Ah ben d'accord, ouais. Ah bah très bien, ah bah voilà, comme ça. En plus tu paieras pas la communication, c'est encore mieux, Gilou. Oh, je sais pas ce point-là, au contraire, j'aurais tendance à être généreux pour les femmes, moi. C'est vrai. Bah on l'a bien vu, 6 heures de cunis, c'est pas mal. Ah bah, bien sûr. Ouais, hein. Mais seulement si elle lui donne non, à boire. C'est bon, j'ai compris, ça ira. Bon, ben, bah, allez, salut Gilou, hein, allez, quand tu veux. Hein. Salut les gars, à la prochaine. Hein. Allez, à bientôt, hein, salut, salut Gilou, ciao à toi. Bon, ben bah, Stéphanie, désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il est crado. Voilà. Mais on va te donner son numéro, hein, Stéphanie, hein, tu nous tiendras au jus. Hein. Ouais, mais y'a pas. Non, je crois pas. Non, ben bah, comme tu veux, Steph. Bon, ben bah, gros bisous, Stéphanie. Hein. Par contre, en ouais. Parlant de trucs qui énerve. Ah, vas-y. J'ai envie de défoncer le chien de ma voisine, s'il te plaît. Ah oh putain, ça peut me rendre toute plus. La nuit et... Ah, c'est comme ça qu'il fait le chien de ta voisine. Il doit être malade alors, hein, non? Non, mais tu sais, les griffes qui... ah, qui grattent sur la porte, ouais. Je croyais qu'il aboyait. Non, non, non, aussi. Alors, non, non, non les... Le pire, c'est ça. Ceux qui servent à rien, tu vois, les espèces de petits chiens là qui servent à rien du tout. Ça, c'est ah non, juste là, c'est une toute horreur. La nuit, il court dans l'appartement et tout. Ah bah ouais. Là, j'ai envie de le défoncer. Ah, vas-y, ah, tu oui. Montes et bim. Ah, tu lui mets une patate. Et là, plein de messages qui sont arrivés. Ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui dépassent dans une file d'attente. Je leur foutrais des baffes. Bah pareil, hein. C'est ce qui m'a énervé tout à l'heure avec le mec aussi. L'espèce de gros connard là dans sa Mercedes rouge. Ce midi, ça m'a rendu ouf. Les gens mal polis qui m'énervent le plus. Alors moi, ce que je déteste, c'est les gens qui n'écoutent pas et qui font genre semblant de comprendre. Ou encore le pire, c'est les mecs qui crachent en public. Ouais, ça c'est assez crade aussi, tu vois. Les mecs qui arrivent. Aïe. C'est bon, on fait ça discrètement, espèce de gros porc. Ou alors quand je suis au téléphone et qu'on me met en attente. Ouais, bon, ça va, ça c'est pas encore le pire. Ça dépend si on dit attends, j'ai un double appel et tu mets en attente. Ou alors t'es en train de parler, puis pfff. Mec, il te met, il y en a qui sont sans pitié. Tu vois, c'est deux trucs un peu différents quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi autour de moi? Le plus énervant, c'est les profiteurs. Ouais, bon, on a pas plus d'infos, c'est dommage. Le plus énervant, c'est les mecs qui utilisent leur portable quand ils roulent. Je déteste les hypocrites aussi. Ça m'énerve vraiment quand les gens sont pas francs. Et puis il y a Kevin qui dit il est dégueulasse ce Gilou là à l'instant. Et Jazz qui dit le champion du monde, toute catégorie. PS, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Je suis fan depuis fin juillet également. Ah bon? Bah écoute, petit message de bienvenue. Avec grand plaisir. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà, il y a SFJ aussi qui dit Gilou, mauvais drailleur. Moi ce qui m'énerve c'est les vieux qui sortent leur voiture juste le dimanche et roulent à 2 km/h. Tu peux jamais les doubler, ça me gonfle, c'est Gérald. Et Maeva qui donne il me donne envie de vomir le gars qui vient de passer. Bah c'est Gilou hein, bah voilà comme ça si vous connaissiez pas. Fabien qui dit blague de Gilou, c'est Toff Empire. Oui ça doit être le père ou le grand-père à mon avis. Et Nicolas il est fou ce Gilou, voilà la blague de Gilou, c'est Cindy et Louis qui dit il est complètement fou et drôle ce mec. Vive Gilou, bah oui, vous inquiétez pas, il rappellera. Bon bah salut Stéphanie, merci à toi d'être passé en tout cas. Bisous. Bisous à toi, à bientôt Steph. Bon, on va faire d'autres appels juste après le son de Red Fou. Allons-y. Allez, on a des numéros à Marseille, on va essayer de les appeler. Hein. Si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas à faire tourner toph@funradio.fr. On les appelle dans quelques minutes. 1h42, on fera un point top tweetos aussi dans quelques minutes sur Fun, juste après le temps d'écouter Red Fou. Yeah. Avec nous d'ailleurs au Starfloor sera samedi hein, Red Fou, Let's Get Ridiculous. Bon, 1h45, on fait un point sur le top tweet là, comment ça se passe top tweetos? Qui est dans les 5 premiers? Qui sont dans les 5 premiers plutôt? Pour l'instant on va le savoir là avec un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter pour participer hein, tout simplement. Et on fait un point comme tous les soirs, le top tweetos, c'est comme ça que ça s'appelle. Et à 2h on donne les 5 premiers et le premier repart avec un petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, numéro 5. Alors numéro 5 c'est Sheva GTR. Sheva GTR numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 3. SFJ, donc c'est Frenner Jones. D'accord, numéro 2. Cédric. Numéro 1. Le grand retour. Let's be freaks. Évidemment. Eh ben voilà, ben vous avez laissé l'appel, vous les avez laissé gagner quelques semaines, hein, donc enfin quelques jours en tout cas. Donc si vous voulez reprendre le contrôle, hein, n'hésitez pas évidemment, hashtag Mickaël, il vous reste un quart d'heure pour tenter de reprendre la première place. Il y a Phil aussi qui dit, ce qui m'énerve le plus, c'est mon grand frère qui essaye de draguer toutes mes petites copines. Quel connard. Et Sayaruka qui dit, le vieux le matin dans les supermarchés, t'as juste envie de les claquer quand ils mettent leur caddie de merde dans les allées. Il y a Nicolas qui dit, mort de rire, les deux gros porcs là. Et Sébastien qui dit, les gens qui secouent et qui font bouger la table, ça me stresse, un truc de malade. Je leur balancerai un truc facilement en pleine bouche. Coup de pelle d'ailleurs, carrément. Bah pourquoi pas, tiens. Je peux la prêter s'il faut au besoin. Stéphanie, je déteste les gens qui frottent la fourchette sur leurs dents, c'est juste horrible. Et Jean-François qui dit, j'aime pas les gens quand ils se servent et qu'ils touchent leur assiette avec les couverts du plat, c'est dégueulasse. Ah oui, parfois, oui, t'as les spécialistes aussi qui arrivent. Oh mais t'as pris quoi? Ah j'ai pris une lasagne. Oh attends, je goûte. Et t'es qui servent? C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est, non, les spécialistes c'est la frite ça. Ouais, ouais, la frite c'est pas pareil. Ouais. Si c'est pareil, tu demandes avant. Ouais, ou il y a un truc que ma mère faisait avant quand j'habitais encore avec elle. Non, c'est pas ça. C'est genre par exemple, j'en sais rien, on allait au Quick, voilà par exemple. Elle prenait toujours le Killfish par exemple, voilà, c'est ça à l'époque. Et donc nous on prenait autre chose et à chaque fois laisse-moi un peu goûter. Ah, c'est t'as déjà goûté, c'est bon, on prenait un Giant par exemple. Attends, laisse-moi goûter. Ouais, mais ça fait des années que tu goûtes maintenant, tu vois, il y a un moment... ouais, mais non, mais c'est pour goûter. Et bon, je prends cet exemple-là, mais il y a tellement plein où, tu sais, ils vont déjà goûter 15 fois et 15 fois, ils vont dire... Oh, non, c'est pas très bon. Bah ouais, mais arrête de goûter, il y a un moment, tu vois, ça va pas aimer comme ça. Hein. Stéphane qui dit merci pour tous les fous rires, continuez comme ça, vous êtes super courage. Merci. Oh, t'inquiète pas, il nous faut pas du courage, nous. Christophe, il dit, ce qui me fait chier, c'est les vieux qui font leurs courses vendredi soir. Ouais, tu sais, qui prennent. Ils font toujours leurs courses pendant que quand les gens terminent de bosser et où il y a plein de monde. Ouais. Mais oui, ils font les courses au même moment alors qu'ils peuvent faire les courses n'importe quand dans la semaine. Tous ces retraités qui font les courses le samedi. Le vendredi soir ou le samedi. Il est énervé. Attention, il s'est énervé là, vas-y, top. Non, mais c'est vrai. Il y a Rodaimon qui dit, ce qui m'énerve, c'est les pets fouf, oui aussi. Et Nicolas, je déteste les filles qui ronflent, c'est horrible. Ah ouais, moi aussi, hein, les filles ou même les mecs, hein, mais dans l'absolu, n'importe qui ronfle. Bon, on va rappeler encore des gens là pour notre sujet depuis ce soir là. Ah oui, il y a le magazine Elle qui a dit que pour garder vos mecs longtemps les filles, il fallait les sucer. Eh bien oui. Voilà, donc on appelle depuis tout à l'heure, là c'est parti, on y retourne. Tous les messages que vous avez envoyés avec les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Si vous connaissez les gens que vous voulez qu'on piège, n'hésitez pas à balancer les numéros de téléphone sur le mail de Tof. Allez, on rappelle encore un petit coup là. J'espère qu'on va pas déranger, hein. À 2h-10. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, je suis pas là. Ah, il s'est bien fait baiser là. Ça m'arrive tous les jours aussi, hein, au standard. C'est bon ça. Ah, ouais, ah bah on va l'appeler à l'autre du coup, tiens. Allez, hop, c'est parti. Et t'es pas mal celui-là. Tu vois, pas d'insulte. Pour une fois. C'est rare. C'est énorme. Allez, on rappelle. Avec son air de con là. Oui, bonsoir monsieur. Encore un répondeur. Ça n'y arrive du tout. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, voilà, en fait je vous appelais pour savoir si vous suciez régulièrement votre mari. Ah, bah on n'a pas compris l'insulte, malheureusement, c'est dommage. Un petit et ta mère. Peut-être. Bon, on rappelle. Allez, c'est reparti. On aura 10 gigas aussi avant de partir. Hein. Do what you want. Allez, elle avait l'air cool. Oh, je suis enculé, t'as rien d'autre à foutre. Excusez-moi, mais j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, bien sûr. Écoute, si tu rappelles ce numéro, je me démènerai à avoir ton numéro et remonter jusqu'à l'appel sortant. Et d'ici là, je t'inquiète pas que tu n'auras plus de dents pour parler. D'accord, mais je peux peut-être vous donner le numéro, ça ira plus vite. Allô? Ah, il est en train déjà d'appeler en même temps, il a même pas eu le temps de raccrocher. L'appel sortant. Mais c'est quoi l'appel sortant? Parce qu'il va remonter jusqu'à l'appel sortant. Je ne sais pas. Je connais pas. Bon, on va le rappeler, hein. Parce que je pense qu'il avait pas toute sa tête, le petit. En même temps, il est tard, hein. Si on le réveillait à 2h10. Allez, continue avec l'hashtag Mickaël sur le Twitter aussi, on fera le top tweetos dans quelques minutes. Allez. Oui, allô, monsieur? Ah ben non, il a raccroché. Bon bah tant pis, je pense qu'à mon avis il dormait. Hein. Je pense qu'à mon avis il dormait, tant pis. Bon bah j'espère que le prochain sera des Marseillais parce qu'il y en a plein qui disent ouais appelez là-bas c'est à Marseille et bon bah. Enfin notre on était peut-être à Marseille mais ils avaient pas l'air plus énervés que ça. C'est pas grave. Bon qu'est-ce qui vous énerve? Vous venez nous en parler, il y a Angelina qui faisait trop des oufs. Natacha qui dit ah oui je déteste aussi les gens qui ne regardent pas quand ils te parlent. Ah oui c'est vrai. Cyril aussi, ce qui m'énerve le plus au monde, c'est les profs qui disent de pas causer. Mais eux ils causent toute une journée. Et Sarah qui dit je suis aussi malade. Tu m'as contaminé. Ah ben on s'est pas vu Sarah donc ça m'étonnerait hein. Mais non, mon avis non. Maïva qui dit la chose qui m'énerve c'est quand ma soeur sur son ordi qui vient dans le bureau et qui fait exprès de taper fort sur le clavier et qu'elle te laisse pas dormir de la nuit. Oui ça c'est relou aussi effectivement. Il y a les bruits de touches d'ordinateur qui m'énervent aussi moi. Quand t'es là et ouais. J'en connais un qui est comme ça. Ah putain. C'est quelqu'un qui est très proche de nous, ouais. Ouais, bah c'est toi, enfin pas le citer, mais voilà. De quoi? J'ai rien dit. Ah non, d'accord, ok. Cyril qui dit ce qui m'énerve le plus souvent. Ah oui, les profs, je l'avais déjà lu, autant pour moi. Et Jérémy qui dit bonsoir, ce qui m'énerve sont les personnes âgées à l'heure de l'embauche. Yako aussi, Benjamin, quand je suis en retard en cours à cause des bus. Et bah, après, il y a peut-être une cause qui a causé le retard du bus, hein, donc faut voir aussi. Ouais. Hein. Si c'est le mec qui est arrivé en retard là, par contre, d'accord. Ce qui est énervant, c'est toujours quand t'as un rendez-vous, un truc important. Ah bah bien sûr. Qu'ils arrivent. Mais bien sûr. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand t'es pas pressé et tout, y a personne sur la route. Voilà. Le jour où t'es pressé, c'est blindé. Exactement. Il y a une conspiration qui. Mais bien sûr. Voilà. Exemple, là où je roupie pas loin de la radio, tu peux être sûr que quand je dois me lever tôt le matin. Je trouve jamais de place. C'est une conspiration. Quand j'ai le temps, il y en a 150 000 de la place. Il pleut pas, c'est parfait. Là, demain matin, il faut se lever tôt. Je vais arriver chez moi. Ça va être blindé. Ouais. Et tu vas voir qu'il va commencer à pleuvoir. Juste pour me faire chier. Enfin, bon, Alexandre qui appelle de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Salut Alexandre, ça va? Salut Mickaël, salut tout le monde. En salut. Pleine forme. Ça va, tranquillou. Hein. Bon, ben qu'est-ce qui t'énerve, toi? Alors moi en fait, je sais pas bien si ça m'énerve, ça rejoint un peu ce qui t'est arrivé à midi. Ouais. Ce week-end, c'est pas souvent, je sors ma voiture, ma nouvelle voiture on va dire. D'accord. Et dans une petite ville pas bien loin de chez moi où ils ont fait des travaux ça circule avec la flèche blanche et rouge. Oui. Moi j'avais donc le sens prioritaire. Et donc je m'engage normal et il y a quelqu'un qui arrive en face et il m'a vu, mais il est quand même passé. Moi, bon, j'ai voulu forcer. Et... Attends, est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu plus de réseau parce que ça coupe là? Ah, oui. Vas-y, remets-toi. Ça, va, ça a l'air, vas-y toujours. Alors, voilà. Ah, ouais, je suis en train de rouler, c'est pour ça, c'est pas. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, vas-y, voilà. Continue, ouais. Et donc, ça fait que au moment où j'ai croisé la voiture, j'ai voulu mettre un petit coup de volant pour lui faire comprendre, mais pensant que les rétros étaient passés. Et finalement non, et j'ai explosé mon rétro. Ah oh. Ah oh, oui, bon bah oui, oh, c'est un détail, bon. C'est pas grave. Ah oui, c'est ouais. Vrai que c'est c'est ça, c'est un petit détail quoi. Je voulais m'arrêter après, mais bon, le problème c'est que bon, je pense que j'allais le tuer sur la route en fait. Mais il faut pas s'énerver au volant hein, faut pas, ça sert à rien. Comme l'autre connard là, le gros con là, que j'ai vu tout à l'heure là. Oh putain, il a franchement il a de la chance qu'il est tombé sur un mec comme moi, c'est-à-dire un mec qui est plutôt cool et qui s'énerve pas trop non plus rapidement parce qu'il serait tombé sur un mec comme Polo, il serait sorti de la voiture, il aurait crevé des pneus, il lui aurait cassé la tête et il lui aurait volé l'antenne. Mais en règle générale, ils le sentent ça. Ouais, peut-être. Quand, ouais. Quand t'es un mec cool, ils essayent de t'embrouiller, mais quand t'es un mec un peu dur, ils le font pas. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand il y a un mec qui est en train de m'engueuler ou tu sais qui est en train de s'énerver sur moi et que justement toi tu restes calme, ça l'énerve encore plus. Ça l'énerve plus que si tu l'insultes aussi. Donc c'est moi je suis content comme ça. Moi le problème c'est que j'arrive pas justement à rester calme. Moi je pars au quart tour en fait. Ah ouais non mais ça il faut pas justement. Faut y aller pépère. C'est faux, hein, mais il y a que quand je suis fatigué ou à la rigueur je vais être comme ça. Mais sinon non je pars direct. Il y a Félicia aussi qui a envoyé un message là, qui dit moi ce qui m'énerve ce sont les gens qui osent reprocher des faits ou juger des gens alors qu'ils sont 100 fois pires. La preuve que les gens ne s'en remettent pas en question. Ouais oui ils s'en rendent pas compte hein. Let's be freaks qui dit aussi le mec qui s'assoit à côté de soit dans les transports alors qu'il y a plein de places libres. Ah tu vois t'as un point commun avec Polo Let's be freaks. Il y a que ça. Ouais. Non. C'est super énervant. Et ça, c'est souvent. Ouais. Ils attendent, ils te regardent. Non, t'es au McDo, tu t'installes, et puis il y a plein de places, et le mec vient à côté de toi. Bah oui. Je peux m'asseoir à côté de vous ? Bah ouais, mais t'as plein de places, mec. À Londres, il y avait les deux mecs là, avec les barbes dégueulasses. Ouais. Ils sont mis où ? Et ouais, à en plus avec la clope mais et tout, ça puait. T'as remarqué, c'est jamais une bonne meuf. Hein, qui c'est rare, ouais. Elles sont toujours dans le wagon d'avant ou d'après. Voilà, jamais exactement. Dans le tien. Et il y a DJ Jordan aussi sur le Facebook qui dit moi, ce qui m'énerve, c'est quand on t'envoie un SMS et on te répond une heure après. Ouais, mais après, le mec, il y a peut-être pas. Tu sais, il y a des gens encore qui vivent pas avec leur téléphone dans la main H24. Il y a Rod Diamond qui dit ce qui m'énerve, c'est les gens qui puent de la gueule. Et alors, Vilaine Canard qui dit pour réagir au sujet de la fellation, je le fais et j'adore. Les mecs aussi d'ailleurs. J'ai hâte de tester mon piercing à la langue. Ah, écoute, moi j'ai déjà essayé avec un piercing à la langue, j'ai trouvé ça chiant. Oui, mais c'est parce qu'elle devait pas savoir s'en servir. Peut-être, mais moi j'ai déjà testé et j'ai pas trouvé ça bien du tout en fait. Au contraire, moi je l'avais même demandé. J'adore. Écoute, tu vas m'enlever ce truc là parce que c'est juste chiant en fait. Hein. Donc, non, mais c'est vrai, franchement, je trouvais pas trouvé ça super cool. Il y a Pascal aussi qui a envoyé un mail qui dit ma femme me suce pas souvent, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Bah, peut-être, c'est bien, mais après, c'est une enquête, hein. C'est pas sûr à 100% quoi. Et il y a Marceau aussi qui dit la soirée avec vous c'est énorme, mais merci d'être là. Et Mehdi, mon père a un tatouage en bas du ventre aussi avec marqué dessus au bonheur des dames. Ça c'est pas mal. Bon, et un message de Julien, est-ce que Polo pourrait me jouer un morceau de pipeau dédicace à Corentin, mon meilleur pote? Bon, allez, si tu veux. On y va. Allez, vas-y. Voilà. Bon, ben merci Alexandre d'être passé. Eh ben merci à vous, c'est possible d'avoir un petit pack. Eh ben tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse sans problème. Eh ben merci bien et continuez comme ça. Hein. Bah c'est gentil Alexandre, merci à toi, à bientôt. Salut. À bientôt, salut. Et encore quelqu'un de l'un tiens qui est avec nous là, Hugo. Salut Hugo. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon tant mieux. Hugo, toi qu'est-ce qui t'énerve? Oh, ce qui m'énerve moi c'est quand je suis au collège, ouais. Le matin, que je vais en espagnol et que ma prof. Habla espagnol. Quand nous... Et en fait, souvent... Non, en espagnol, allez, parle tout, dis tout ça en espagnol. Oh non. Ah si. Je suis nul. Oh non, je suis trop nul. Bon, allez, vas-y. Gros, la prof d'espagnol, elle nous met souvent des contrôles. Ouais. Des contrôles surprises ou contrôles préparés. Ouais. Et à chaque fois, les contrôles, je trouvais ça dur, donc je lui ai dit, mais madame, et ils sont durs. Et elle m'a fait, ouais, je mets des exercices de troisième, tu sais, c'est pour vous anticiper au brevet ou je sais pas quoi. Donc on les fait, on se tape des cartons à chaque contrôle. Et le jour de la correction, quand elle nous rend au contrôle, elle arrive vers nous et elle ose nous faire « Est-ce facile ? Est-ce facile ?» Ah oui, c'est facile. Quand on sait, c'est toujours facile. À chaque fois, elle nous marque la moyenne de la classe. La moyenne de la classe, depuis le début de l'année, n'a jamais dépassé 9. Ah, c'est pas mal. C'est bien, ça prouve que vous êtes très mauvais. Ah oui, très mauvais. Hein. Quand, en tout cas, ça prouve que vous n'allez pas l'habiter en Espagne ou au Mexique demain. Hein. Non, mais les contrôles sont super durs. Et après, elle ose nous faire « Est-ce facile ?» alors que... la moyenne de la classe, j'ai jamais dépassé 9. Oui, mais bon, après, c'est peut-être facile, c'est vous qui êtes mauvais, hein, peut-être, c'est possible. Ouais, enfin, en même temps, ouais. La classe... Concentre-toi sur l'anglais. Voilà, ouais, concentre-toi sur l'anglais, ouais. Bah, notre espagnol, on parle beaucoup, hein, mais... Ouais. Faut essayer. Et donc, tu hablas pas espagnol? Quoi? Tu hablas pas espagnol? Non. Le pire, c'est que j'ai espagnol demain, j'ai contrôle. Oh, bah, parfait. Donc bon, qu'est-ce que tu sais dire en espagnol? Si. Ah ouais, toi t'es. C'est, quand tu postules pour un job d'été, tu marques bien que tu peux t'es bilingue là. Non, mais moi ce que j'aime bien dire en espagnol, c'est ce qui passe tout le temps, et peu importe la phrase qu'on te dit, tout le temps, cette phrase elle passe, tu fais si pelo. À chaque fois, ça passe tout. Perro. Perro. Oui, parce que Pelo, c'est toi le Pelo. Sinon, il y a. Sinon, il y a Claro aussi qui passe très bien. Si, ouais, ouais. J'ai essayé avec ma prof d'espagnol et ça marche, hein. J'ai vraiment essayé. Et... Ouais, mais enfin, il y a un moment, si tu dis que ça, la conversation est quand même très très limitée, hein. Ah ouais, c'est vrai que j'ai. Bah ouais. Et par exemple, Corones, tu sais ce que ça veut dire? Non. Bah tu iras, tu demanderas à ton prof demain. Elle t'expliquera. Ouais, elle t'expliquera. Demande-lui, tu dis que t'as appelé la radio hier. Ouais. Et enfin ce matin en l'occurrence. Et tu lui dis que ils ont voulu t'apprendre Corones pour voir et tu veux avoir la traduction. Et mierda. Ah, d'accord. Ouais, mierda, c'est ce que ça veut dire. Merde. Oui. Ah ouh là là. Tu vois que t'as les deux mots là. Eh, c'est pas mal. Tu vois, tu te sous-estimes, Hugo. J'avais pas pensé. Voilà. Il y a plein de mots qui ressemblent au français, hein. Bah ouais, ah. Alors par contre Corones ça ressemble à rien en termes de français, c'est pas ça. Eh, tu lui demandes demain, hein, promis, hein. Promis, je vous rappelle. Et alors si tu peux avec ton téléphone enregistrer le moment où tu lui demandes. Ah ouais, c'est... Je non, pense ça, qu'on peut se marrer. Ça risque d'être un peu plus dur. Ah, mais si tu peux le faire c'est bien, sinon tu nous rappelles demain, on verra. Ok, pas de problème. Bon, je compte sur toi, tu demandes, hein, et tu vas pas te renseigner avant, hein. Oh, d'accord. Promis. J'espère pas que je vais me prendre 2 heures de colle non plus. Mais non, enfin, on va pas t'envoyer dans le mur, hein, on n'est pas des connards. On est pas comme ça, nous. Ouais, on n'est pas des connards. Tu nous fais confiance, Hugo. Oh bah, total. Bon, bah tant mieux, bah tu vois, ça tu fais bien. Bon, bah parfait. Bon, Hugo, à demain. À demain. Par contre, je pourrais juste vous demander un message de bienvenue, vu que ça fait longtemps que je vous écoute, quasiment depuis le début. Ah, quasiment ? Ouais, quasiment depuis le début. Et pourquoi t'es pas là depuis le début ? C'est vrai, c'est scandaleux. Bah voilà, c'est oui, exactement. Que tu sois quasiment. Bah voilà. Le temps de voir. Mais franchement, je rigole tous les soirs. Au départ, dans ma classe, j'étais le seul à écouter. J'en ai parlé et quasiment la moitié de ma classe écoute. Tous les matins, on se réunit, on parle de vous. Oh, c'est bien. Et ils font quoi ils font des réunions. Réunions, brainstorming. Ils font quoi les autres enculés, l'autre moitié là, les bandes d'enculés. Allez vous faire enculer profondément. Voilà, ça c'est pour les autres, l'autre moitié de la classe. Ouais. Petit message, exactement. Vous avez pas grand chose à branler de votre journée. Voilà, bah, c'est ça, donc il pourra écouter l'émission, les autres de l'autre moitié de la classe. Hein. Vous allez parler de quoi dans votre réunion demain? Déjà, on va reparler de ce que vous avez dit, parce qu'il y a aimé. D'accord. Franchement, Gilou, il était génial. D'accord. Ah, mais il est au taquet, Gilou, hein, t'inquiète pas. Là. Et en plus, là, on lui a donné le numéro de la petite, là. Comment te dire il va la chauffer toute la nuit. Ah, bah, ça va lui faire sa soirée, hein, ça c'est. Je pense aussi. Ah oui. Ta mère a le sucer les bites de culé, côtier. Voilà, ça c'était le nouvel ami de Toff. Bon, eh ben écoute, bah, embrasse tous tes potes qui nous écoutent, et puis dis aux autres qu'il allait se faire enculer. Ok, voilà. Problème. Pas de problème. Et que s'ils veulent pas se faire enculer, ils peuvent venir nous écouter également avec plaisir. Bon, bah, salut en tout cas, Hugo, hein. Salut. Et on te rappelle demain pour le Corones, hein, n'oublie pas. Hein. Corones, ok. Non, comment pas Corones. Pas colonel. Corones. Sauf Corones. Que tu roules le R, donc Corones. Coronel, okay. C'est autre chose, c'est un colonel. Ouais, Corones. D'accord. Ok. Bon, très bien. Et tu peux lui chanter Parabala la Bamba. Exactement. Qui nécessite un poco de gracia. Exactement. Exactement. Yo no soy marinero. Voilà. Et tu peux dire aussi Hijo de puta. Okay. Ça c'est la ponctuation. Voilà c'est ça. Corones hijo de puta. Puta. D'accord. Hijo de puta. Hijo, c'est ce que ça veut dire. Quand? Hijo. Ah non. Là, oh, là. Ah putain ouais. Ah là, oui. Là, t'es vraiment limite toi. Hein. Ah t'es bibilingue. Je suis vraiment nul. Ah ouais non bah là oui ça c'est oui. Et même puta. Bon, puta t'as quand même deviné. Bah oui. Alors hijo de puta ça veut dire à ton avis? Poutre. Gros con. Non. Ah ouais, donc tu connais Puta, là, très bien. Bon, eh ben Hugo, écoute, on va te souhaiter beaucoup d'argent espagnol, hein. C'est pas gagné, mais t'inquiète pas, il y a un moment ou à l'autre, ça va aller, hein. Ok, merci. Allez, non, mais allez. Tu vas t'en sortir un jour. Bon, on te rappelle demain, 23h en début d'émission, Hugo, d'accord? Ou après? Après, parce que ma mère, elle va se coucher après, et si elle me voit avec mon portable. Ah, d'accord. Bon, après, alors, écoute, tu gères avec Sandra, et puis on voit ça, d'accord? Ok, pas de problème. Bon, ça roule. Allez, à demain, Hugo. Hein. Bonne chance en espagnol. Hein. J'ai une technique pour toi. Fais semblant d'être somnambule. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est une idée aussi. Oui, effectivement. Bon, salut, Hugo. Salut. Allez, ciao à toi. Bye. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus ce qu'on avait fait. Ah oui, on l'a encore un dernier. Oui, c'est vrai qu'on va aller à Marseille, là. Oui, effectivement. Oui. Vous êtes un petit connard. Oui, c'est vrai. Bon, allez, hop, on y va. Direction Marseille maintenant. Là, enfin, le Marseillais. Ou la Marseillaise, je sais pas, mais en tout cas, c'est un numéro où on nous garantie un Marseillais. Donc, on y va. On appelle toujours pour cette grande enquête que nous essayons de mener telle qu'il se doit. Apparemment, pour que votre couple dure longtemps, il faut que vous suciez votre mec, les filles. Donc, on y va. On appelle direction Marseille. Allez. Et en plus, à 2h du mat', on va certainement bien se faire accueillir. Enfin, surtout toi. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous suciez régulièrement votre mari. Peut-être plus régulièrement que ce que le suce ta mère. Je vois pas le rapport, madame. Non, mais est-ce que non ? Allô ? Ah, c'est dommage, ça a coupé. Elle avait l'air bien, mais... Mais oui, mais il faut la rappeler. Non, mais c'est ce qu'on va faire. Mais attends, plutôt deux fois qu'une. Attends, tu vois, on rappelle, on rappelle, on rappelle. Allô ? Oui, excusez-moi, on a été coupé et j'ai pas bien compris le rapport avec votre réponse. Ben moi non plus, j'ai pas compris la vôtre. Ben en fait, moi je vous appelle parce que, selon une étude anglaise, il semblerait que le fait de sucer régulièrement son mari, ça resserrerait les liens du couple. Ah ouais, il se régale. Et c'est très bien. Voilà, non mais moi je vous disais ça, c'était pour vous rendre service, hein, madame. Quand ça suçait ta mère ? Ben, je vois pas le rapport, madame. Ben, essaye de comprendre le rapport. Bah, oui, attendez, moi je vous appelle gentiment pour vous donner un conseil et vous, vous le prenez comme ça. Eh oui. Tu es quoi, parisien, non ? Bah oui, évidemment. Eh ouais, tu es une fille de pute de parisien. Bah, ça a aucun rapport, madame. Le fait que je sois parisien. Eh, mais ici tu appelles à Marseille, au bâtard. Bah oui, et alors ? Eh ben, on t'encule, nous les Marseillais. C'est gratuit. Ah oui, vous êtes comme ça, vous. Eh oui. Bah oui, mais enfin, c'est pas gentil, ça, quand même. Moi, je vous appelle pour vous donner un bon conseil, et puis vous me traitez d'enculé. Eh oui, tu es un enculé, bah, de parisien. Bah non, pas du tout. C'était alors vraiment... qu'il est pas parisien. Oh, oui, en c'est plus, ça oui. Qui est beau. Non, mais c'était quand même gratuit, là. Ah oui, c'était ça, tout était gratuit, hein. Et on l'a même pas chauffé sur le foot. Offert de bon cœur, hein. Ah oui, c'était gratuit, totalement free, quoi. Truc de ouf. Il y a Morgan de 80 vitesses qui dit le pauvre, il va être collé par ta faute, Mickaël, t'as pas honte. Mais il va pas être collé. Oh. Sinon, tu sais quoi, on l'appellera prof. Ouais, et on lui dira pourrira son année. Et on parlera en espagnol. Voilà. Si. Voilà, donc on va tout arranger, ne vous inquiétez pas. Bon, il y a le russe, il y a le russe ou la russe encore qui dit les enculés de Mickaël, il va se faire virer, arrêter. Mais non, il va pas se faire virer. Il va dire que c'est les connards à la radio qui lui ont demandé ce que ça voulait dire. Vous inquiétez pas. On le rappellera demain. Ne vous inquiétez pas. Il y a Mickaël aussi qui dit moi ce qui m'énerve c'est qu'on vienne pisser aux chiottes à côté de moi alors que les autres sont libres. Ah oui, ouais, putain, oui, grave. Oui, ouais, oui, ouais, oui, moi oui, aussi oui, ça c'est relou ça. Et Rod Diamond qui dit je veux le sextoy pour l'offrir à ma mère. Bah il faut être en top tweetos hein. Et alors Phil qui dit aussi Coronet, il rend des putains, le mec demain il va prendre cher. Ah non mais je lui ai pas demandé de dire il rend des putains. Hein. Je lui ai demandé s'il savait ce que ça voulait dire. Et il a dit oui ça veut dire tête de con. Donc bon, comment vous expliquer qu'il connaît pas bien le... Il est un peu limité quoi. Voilà. Et donc par contre Coronet, je lui ai demandé de nous traduire ça pour demain avec son prof. Et Nathanaël aussi qui dit cette violence gratuite, j'adore les Marseillais. Mais oui, ils sont tellement bons. Bon ben en tout cas, on va se faire le top tweetos maintenant là. Attention, numéro 5. Benjamin 22. Numéro 3, 4. Parce qu'après le 5, il y a le 4. Quentin DR 21. Numéro 3. Le prince Nadia. Numéro 2. Cédric. Et numéro 1. Fabienne. Non, je déconne, c'est Let's Be Freaks. Ah bah, qui repart avec son petit sextoy. Oui. Eh oui. Et Toff va l'utiliser d'abord. Hein. Bien sûr, je le souillerai. Exactement. De ma semence. Voilà, comme ça, tu auras un petit avant-goût. Le sextoy offert par... passagedudésir.fr. Merci à cette voix off la plus dégueulasse du monde. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ce sera. Beaucoup de gens me demandent cette voix off. Hein. Ouais. Ils veulent l'acheter pour que plus personne n'utilise. Ah d'accord. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça au moins. Bah, note c'est bien, hein, moi t'as plus de travail. Bah voilà, c'est ça. Bah, tant que c'est rémunéré, moi. Bah oui, c'est ça, c'est vachement plus pratique, effectivement. Bon, bah en tout cas, merci à vous d'avoir été là ce soir. De plus en plus nombreux, ça fait plaisir, puisque plus de 256 000 hein, sur le Facebook de l'émission, un peu plus de 3 mois. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait passer le message. Merci à Cindy qui était là ce soir. Il y avait Greg, il y avait DJ Jordan, il y avait également sur le Twitter un peu plus de monde aussi, il y avait Pierre. Il y avait GTR, Let's Be Freaks, il y avait également Sayaruka, il y avait Paul PC28, il y avait Fred S, Alexandre, etc., etc. Et merci à tous les nouveaux. Je rappelle également que si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, eh bien je vous suis également. On salue Morgane qui vient d'arriver, Sébastien, Allison que je viens de follower également. Et Unbelievable, merci à Pauline, à Romain, à Ellie, à Rémi, à Yasmine, à Le Masurier, à Stanislas, Marie, Moutien, Dimitri, Romain, bref, et plein d'autres, tous les nouveaux de ce soir. Merci à vous, merci de nous suivre tous les soirs. On revient demain à partir de 23h en direct sur Fun Radio. Et puis on va se quitter avec le générique de fin. Hein. On y va. Attends, il y a Adrien qui voulait faire générique là. T'es là, Adrien ? Hey, hey, salut ! Hey, ça va bien, Adrien ? Ouais, ça va, je me suis entraîné depuis. Hein. Ah, je suis chaud là. Très Très bien, très bien, très bien. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de dire générique de fin avec Polo et on y va. Lilou va débarquer également comme d'habitude. 3, 2, 1, la France. C'est parti. Ferme ta gueule de merde. Tu bouffes des bites. Tu bouffes des bites, t'as dessus, c'est toi l'enculé. T'es un enculé, j'encule ton nom, qu'il y a vraiment personne qui écrit comme ça. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui es plus tormenté, un enculé. Oh, qui est mauvais. Tu peux plus dormir ou bien manger, t'encule ton nom toute la journée. Vous avez pas grand chose à branler de votre journée. Allez vous faire enculer profondément. Eh, tu vas fermer ta grande gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, va se faire enculer déjà. Tête de guiche. Tu vas petit peu te faire enculer. Ils sont canadiens. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Toi l'enculé. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. T'es un enculeur. Et toi, t'es un enculeur. Oui, on est des enculés. Oui, on est des enculés. Oui, on est deux. Voilà. Oui, on est deux. Ouais, oui, tous les deux. Et pas oui, on est deux. Adrien, oh on va t'entraîner. Hein. Bon, t'as été moins mauvais que la fois d'avant, faut bien l'admettre. Mais c'est pas encore ça. Mais c'est pas encore gagné. Hein. Ouais, bah je vais m'entraîner et la semaine prochaine je reviendrai à l'attaque. Ouais, mais note les paroles. Comme ça. Et note les paroles, ouais, note les paroles. Bon. Ouais, bah je les ai en tête là. Bon, mais bah, c'est déjà ça. Bon, bah passe une bonne soirée et une bonne nuit plutôt. Il rencarre la semaine prochaine alors, d'accord. Michael ? Ouais. Je peux passer une petite dédicace ? Non. Allez. Non. Bon, alors, pas quand fun, tu feras alors. La chanson bien, tu pourras. Bon, allez, à une seule personne, vas-y. Alors, à Théo de mon collège, que j'ai promis de faire une dédicace, voilà. Bah, t'as de la chance, t'as vu, t'as promis un truc que tu pouvais, que t'étais pas sûr d'honorer. Hein, t'imagines, je t'aurais dit non, t'aurais dit bien con, hein. Ouais. Là, t'aurais pris un gros coup de la part de ton pote. Et il aurait bien ouais. raison d'ailleurs. Ouais. Bon, allez, salut à toi en tout cas, Adrien, à bientôt. Ouais, salut. Salut. Et on se retrouve demain dès 23h avec encore des écrans plats et des PC portables à vous offrir. Demain, on fera le je t'emmerde comme chaque mardi. Donc si vous voulez tenter de la rupture c'est la rupture demain, autant pour moi. Le je t'emmerde, c'est le mercredi. On fera le jeu de la rupture demain. Donc si vous voulez jouer, on jouera évidemment dès 23h et on revient donc dès demain 23h sur Fun Radio en pleine forme. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Nickel, nos limites. Fun Radio. Et on va également dans les trucs qui m'énervent, il y a les vannes de JB aussi. C'est vrai qu'on en avait pas parlé. Pourquoi tu m'attaques comme ça gratuitement? Mais je t'attaque pas gratuitement, mais si. C'est vrai qu'on parlait des trucs qui peuvent énerver un peu. Et c'est vrai que dans les trucs énervants, il peut y avoir les vannes de JB. Je soupçonne JB d'avoir préparé une suppute. Ouais, je suppute. Il a préparé une note parce que tout à l'heure il se marre comme un idiot. Non, bah, c'est qu'il a préparé une blague de merde. Non, non, pas du tout. Si, t'as préparé un truc. Non, j'ai pas préparé ça. Je rappelle que JB, le futur Philippe Bouvard. Kertiel, ne s'inquiète pas, le remplaçant est là. La relève est là. Au cas où. Non, y a pas de vanne aujourd'hui. J'ai pas. Ah bon, bah non. Désolé. Mais non. Tu rigoles depuis tout à l'heure. Oui, non, parce que je regardais des. Enfin, bref. Ouais. Et je regardais des trucs marrants. D'accord. YouPorn ? Non, ça c'est pas marrant. Ça. Quoi ? Ah, je pensais. Je vais pas sur YouPorn avec les ordinateurs de la radio. Ah ! Bon, non. Non. Bah, presque pas, non. Non. Est-ce que c'est bloqué, Toff ? Non. Ah, c'est. C'est les portes. Non. C'est les deux gros ports. Bah ouais, après manger un petit YouPorn. Bah oui, bien sûr. Quoi. Évidemment, évidemment. Normal, la base. On se met bien, nous, hein. Ah bah bien sûr qu'on se met bien, effectivement. Bon, t'as pas un truc à dire à Jérôme, comme on a rendez-vous demain dans le bureau du. Dans le bureau Oval ? Ouais. Enfin il est pas ovale, mais bon. Il est pas ovale. Non, rien à dire. Bah, j'espère qu'on aura un apéro. La France attend cette réunion. Donc, on aura quoi, un apéro de départ? Le dernier apéro de JB. Le dernier apéro de JB. La dernière vanne, mec, ça se trouve c'est la dernière là aujourd'hui. C'est vrai, là. C'est vrai, c'est et vrai. Tu la passes à la trappe? Il y en aura peut-être avant 6h. Ah oui, bon, on sera plus là pour parce que je te le dis, oui. Je n'écoute pas jusqu'à 6h. Hein. Bah et tu te refais l'émission en podcast. Ah bah bien sûr. Évidemment, suis-je bête, c'est, oui c'est vrai, je suis con là. Imitation. Ah oui. Oui, effectivement. Donc demain matin, à partir de 6h, hein, notre ami Bruno dans la radio. C'est au-delà du dos. Ah ouais, mais mec, c'est pas que c'est énorme. C'est un dos. C'est au-delà, tu n'imagines même pas, c'est au-delà du los. C'est au-delà du los, mec. Bonjour. Oh, c'est nul. Allez, bon, c'est clair. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain à partir de 23h, juste après Love in Fun, avec le doc qui sera là, bien entendu, au taquet, comme d'habitude. Timmy le mat. Sale. Oh, qu'il est mauvais. Ouh. Voilà. de l'imitation du doc. Bon, j'ai une vanne sur Lady Gaga, mais je vais allez, vas-y. Allez, vas-y. Vous savez que Gaga, c'est pas son nom de famille. Son vrai nom de famille, c'est Commandement. Lady Commandement. Vous êtes un petit connard. Allez vous faire enculer profondément. Oh, oui.